couple nouveau ou le couple dans le Verseau. Sans plus tarder, on va accueillir Daniel Kien, s'il vous plaît. Je suis rendu avec une nouvelle technologie. Si vous ne m'entendez pas, moi je m'entends bien. J'ai remarqué que dans la salle, il y en a qui sont plus bronzés que moi. C'est un an, pas mal. Je m'en vais à l'Équateur, puis eux qui vont juste pas loin. Puis... Daniel, peut-être à soir, avant de commencer le sujet de la conférence de ce soir, il y a peut-être juste un petit aperçu, peut-être, est-ce que c'est difficile de vivre le contraste de, bon, ce que tu viens de vivre depuis un mois, c'est une expérience directe, alors que là, tu as de nouveau à soir pour entrer en communication avec les autres, à repasser par la parole. Vas-tu me parler un petit peu de cette transition-là? Disons qu'avec les personnes avec qui j'ai voyagé, j'ai dû souvent me servir de la parole. Alors, c'est qu'il n'y a pas tellement de transition entre ce que j'ai fait, surtout que le travail qu'on a fait pendant un mois au Pérou, moi et cinq professeurs de PNC, c'est un travail qui était presque exclusivement ésotérique, ou disons psychologico-ésotérique. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas de transition entre ce que je faisais avant, ce qu'on a fait là-bas au Pérou, et ce que je vais faire, en termes de parole. Évidemment, il y a eu beaucoup de changements, étant donné que moi, j'attendais... si on peut dire, ce voyage pour pouvoir arriver à transformer certaines choses, c'est-à-dire à finaliser certaines transformations chez moi. Et les personnes qui sont venues avec moi ont eux aussi dû achever certaines transformations. Maintenant, au niveau du travail ésotérique, le travail d'intégration de ce voyage va se terminer d'ici quelques semaines. Alors, je vais, à un moment donné, parler ésotériquement de ce voyage au Pérou, mais... sans doute lors de la première conférence du mois de janvier, qui serait sans doute intitulée « Le travail planétaire ». Je ne peux pas en parler avant, non pas pour créer du mystère, de toute façon, certaines personnes m'ont dit que j'en avais suffisamment créé avant mon départ, parce que je ne voulais pas parler de mes raisons, disons, pour lesquelles j'allais au Pérou. Il faut comprendre simplement que lorsque l'homme travaille, prenons juste l'exemple de beaucoup d'hommes d'affaires, qui savent par expérience que lorsqu'ils ont une nouvelle idée, ils ne doivent pas en parler. Et ceux qui souvent parlent de ce qu'ils veulent faire en affaires, souvent se rendent compte que ça n'aboutit pas. Et on a plusieurs personnes qui vont, parce qu'ils ont expérimenté le mécanisme du silence, vont découvrir que lorsqu'ils ont quelque chose de neuf à apporter, ils se taisent tant que ce n'est pas cristallisé dans la matière, c'est-à-dire tant que ce n'est pas en train d'être créé, ou tant que ce n'est pas terminé. Les mécanismes qui font que lorsqu'une personne parle trop, revire contre elle, c'est-à-dire l'empêche d'aboutir dans ce qu'elle veut faire, sont des mécanismes de manipulation astrale, chose que nous abordons couramment ici. Alors, si j'explique un peu plus clairement de quelle façon l'homme se fait manipuler par sa propre parole, sachant d'abord que l'homme peut apprendre en parlant. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'homme a une parole, non pas seulement pour communiquer ses propres idées à quelqu'un d'autre, mais surtout pour se communiquer à lui ce qu'il ne connaît pas par l'expérience. Qu'est-ce que c'est communiquer ses propres idées à quelqu'un? Cela veut dire que si nous avons un circuit fermé comme la planète Terre, ou si nous le rapetissons à l'ensemble de la salle ici ce soir, cela veut dire qu'à partir de mes mémoires, je parle. Ce n'est pas ce que moi je fais. Mais normalement, c'est ce que l'homme fait. J'amène donc des nouvelles choses dans l'air pour vous, mais ce sont des choses anciennes pour moi. Vous les écoutez, vous les mélangez et vous parlez. Ce qui fait qu'après 10 ans de parole entre nous, on connaîtra tout ce que tout le monde connaît et l'évolution ne pourra plus apparemment se poursuivre. Alors, si on a une discussion, prenons le couple. L'homme et la femme qui vivent ensemble. Après quelques années, ils découvrent qu'ils n'ont plus rien à se dire. Pourquoi n'ont-ils plus rien à se dire, selon eux? Parce qu'ils ne communiquent que leur mémoire, que leurs émotions à l'autre. L'autre fait la même chose. Il vient un temps où l'on se connaît tellement qu'on n'a plus rien à dire. Et ça devient plate. Parce que l'homme et la femme, lorsqu'ils ont commencé à être couple, avaient l'impression qu'ils apprenaient l'un de l'autre. Ils n'apprenaient pas, ou presque pas. Ils s'échangeaient une expérience. Et lorsque les deux connaissent l'expérience de l'autre à fond, savent comment il réagit aux différents événements, alors ils ont l'impression tous les deux qu'ils n'ont plus rien à se dire et ça devient plat. Ça devient moche. La communication, elle permet à l'homme de communiquer avec lui bien avant de communiquer avec un autre. Et lorsque l'homme pense, lorsque je parle de la conscience collective, je parle de ce que ésotériquement nous appelons l'astral collectif, c'est-à-dire la mémoire matérielle qui enregistre tout ce que l'homme fait, tout ce que l'homme dit, tout ce que la matière fait. Et je donne souvent l'exemple, pour ceux qui ne comprennent pas que la matière puisse enregistrer, que les cassettes audio que nous vendons ici sont des parcelles de matière qui ont enregistré une parole, que les cassettes vidéo sont encore une fois de la matière qui enregistre une mémoire d'un événement. Et c'est la même chose pour un tissu qui conserve une odeur, c'est la même chose pour une photo. Par contre, on doit avoir un révélateur, c'est-à-dire qu'on doit avoir le bon appareil pour pouvoir lire ce qui est enregistré. Ce qui est l'apanage de l'homme nouveau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme, vous autres, toute l'humanité, plus tard, va être capable de pouvoir révéler à sa propre conscience ce qui a été mémorisé par la matière. Alors, à un moment donné, vous devenez capable d'écouter des choses qui ont déjà été dites, de voir des choses qui ont déjà été vécues, de sentir des choses qui ont déjà été émises. Vous êtes capable de savoir les choses du passé. Et c'est d'ailleurs ce que vous faites régulièrement quand vous fouillez dedans votre mémoire. Mais cette connaissance, même si elle est recherchée par beaucoup d'écoles traditionnellement ésotériques, cette connaissance, elle est extrêmement limitée parce qu'elle ne contient que ce qui a été fait. Et elle ne peut pas contenir ce qui sera. Et elle ne contient même pas ce qui est. Elle ne contient que ce qui a été. Cette mémoire, elle permet, c'est-à-dire qu'étant captée par l'être humain, consciemment ou inconsciemment, consciemment, la personne se détermine clairvoyant ou clairaudient, et inconsciemment, elle ne sait pas ce qui lui arrive, mais tout d'un coup, elle a une idée. Et elle se rend compte qu'une autre personne a la même idée qu'elle en même temps. C'est normal, les deux ont perçu simplement ce qui se promenait dans l'air, dans l'astral, et les deux l'ont conscientisé, c'est-à-dire qu'ils en ont pris conscience, et ils croient qu'ils ont réfléchi. Et lorsque l'homme est manipulé par la conscience collective, c'est qu'il embarque dedans le nuage mémoriel de l'expérience d'une collectivité ou d'une société, et il croit réfléchir. Alors, pour lui, la pollution n'est pas dangereuse, jusqu'au jour où plusieurs personnes pensent que c'est dangereux et soudain l'homme prend conscience que c'est dangereux. L'homme, en réalité, est manipulé par la conscience collective qui, à un moment donné, vient le pénétrer et finit par l'entourer de façon que l'homme baigne dedans. Parler de certaines choses, c'est instruire cette mémoire. Et instruire cette mémoire, cela veut dire donner la possibilité à cette mémoire qui nous fait penser, parce que l'homme pense qu'il pense, l'homme pense à partir de ses mémoires, à partir aussi de ce qu'il va lire, donc de la mémoire collective, à partir de ce qu'il va entendre, donc de la mémoire collective, à partir de ce qu'il va voir, visionner, donc toujours à partir d'une mémoire collective. Et si moi je dis, par exemple, je vais changer, il y a un certain défaut que j'ai, je vais le transformer, ben, j'inscris simplement la mémoire extérieure de mes faiblesses, et cette mémoire extérieure va faire en sorte que mes faiblesses se conservent. Lorsque j'expliquais que le positivisme était une maladie similaire au négativisme, parce que au lieu de voir la vie en noir, on la voyait en rose, toujours au lieu de la voir comme elle est. Lorsque l'homme dit « Je me sens mieux. » Pourquoi un homme dit-il « Je me sens mieux » Parce qu'il se sent mal. Donc, il n'exprime pas qu'il se sent mieux, il exprime qu'il se sent mal. Et c'est cela qui est une pièce mémorisée. Et à un moment donné, la personne se fait charrier, elle se fait manipuler par tout ce qu'elle a cru vouloir faire cru vouloir dire et qui, en fin de compte, n'aboutit jamais. Alors, ce voyage au Pérou, il a été fait pour différentes raisons, raisons que je ne peux pas dire, non pas parce que vous n'êtes pas prêt. La question n'est pas là. Parce que la mémoire astrale, parce que ce qui manipule les collectivités, parce que, à un moment donné, pourrait nous revenir dessus pour nous empêcher d'aboutir dans ce qu'on a commencé, ben, je ne peux pas l'instruire. Quand ce sera terminé, je l'instruirai. Et on instruit par la parole. Donc, je ne peux pas parler. Alors, c'est pas question de mystériosité ou de quoi que ce soit, c'est question d'intelligence. Et évidemment, une personne qui ne voit pas clairement les mécanismes même de l'enregistrement mémoriel des plans psychologiques collectifs, ou de l'astral, pour résumer, ne peut pas comprendre le sérieux de ce que je dis. L'homme qui a des idées, la femme qui a des idées, n'aboutit à peu près jamais parce qu'elle parle trop. Et savoir se taire, c'est connaître les mécanismes de l'instruction des plans psychologiques. Alors, lorsque je me tais, je garde mon énergie et je suis le seul à savoir. Et à un moment donné, ça l'aboutit. Et lorsqu'on en parle à tout le monde, on crée un remous dans la conscience collective. Et si ce que l'on veut faire doit être fait sérieusement, on ne peut pas en parler à tout le monde parce que ça va devenir de la politique, ça va devenir une mode, ça va devenir un leitmotiv collectif, ça va devenir un but à atteindre sans savoir pourquoi. Alors on n'en parle pas. Lorsque l'homme évolue, lorsque l'homme se conscientise, l'homme finit par découvrir le piège, le danger de trop parler. Tout ce que vous dites, on sait, peut être tenu contre vous. Et c'est vrai dans tout ce qui enregistre mémoriellement, pas juste la loi. Tout. Alors c'est la seule raison, disons, qui fait que lorsque le travail d'intégration de ce voyage au Pérou va être terminé en ce qui concerne les professeurs du programme et du contrôleur qui sont venus avec moi. Eh bien, sans doute la première conférence que je vais donner en janvier, le travail planétaire, ben là, évidemment, il n'y a pas de problème. Bon, l'hémisphère sera fini s'il y a l'hémisphère. Si on relie la conférence de ce soir à les trois dernières que tu as faites, tu as parlé de l'homme nouveau, la femme nouvelle et l'enfant du verso, bon. Le couple nouveau, ce n'est pas seulement un amalgame d'un homme et d'une femme, parce que chacun garde son individualité, finalement, dans le couple nouveau. Pourrais-tu faire une petite prolongation? Non, premièrement, ceci. L'homme a été obligé, quand je parle de l'homme, je parle de l'humanité, donc je parle de l'enfant, de la femme et de l'homme, du mâle. À un moment donné, on va expliciter un peu plus clairement les mécanismes qui ont poussé l'homme à venir se matérialiser sur la planète Terre. Les énergies dans l'Antiquité, on pourrait même se rapprocher d'un continent qui s'appelait Lémurie à l'époque, là où la genèse de la Bible va commencer, où on va avoir une séparation des sexes, c'est-à-dire où, supposément, qu'un être divin va créer la femme à partir de l'homme. En réalité, il va créer l'homme à partir de l'humanité et la femme à partir de l'humanité. Antérieurement, il n'y avait ni femme ni homme, il y avait l'être humain, qui était androgyne ou par la suite hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il avait les deux sexes, et par après, on a eu une sexualisation plus complète, donc création des sexes. Dans cette époque très loin, des énergies particulièrement intelligentes qui aujourd'hui peuvent être captées par l'être humain, énergie que nous appelons, parce qu'on doit les nommer pour communiquer, énergie supramentale, ont obligé l'homme à ignorer complètement et totalement le pourquoi de son expérience planétaire. L'homme est extrêmement puissant, mais l'homme ne le sait pas. Pourquoi il ne le sait pas? Parce qu'il a été instruit qu'il était médiocre. Un de mes amis qui est médecin disait un jour en conférence, et je le cite parce que c'est extrêmement bien expliqué et ça lui revient, que l'homme a été dressé comme l'homme dresse les éléphants. Alors un jour, on a placé l'homme extrêmement puissant dans un contexte très limité. Et on l'a instruit par la force qu'il n'était capable de rien faire. Mais l'homme se luttait à une autre partie de lui, ce qu'on peut appeler l'esprit. Et l'ego de l'homme, la psychologie de l'homme, ne peut pas gagner contre l'esprit de l'homme. Lorsque l'être humain aux Indes ou en Afrique capture un éléphant sauvage, Il plante un immense pieu dans le sol et il le plante profondément. À ce pieu, il attache une grosse chaîne et il la passe autour de l'une des pattes de l'éléphant. Alors l'éléphant veut s'enfuir et l'éléphant est extrêmement puissant. L'éléphant ne part pas. Il ne peut pas arracher le pieu et il ne peut pas casser la chaîne. C'est ce qui est arrivé à l'homme. Plus l'éléphant s'habitue à sa chaîne, plus on peut réduire la grosseur de la chaîne. Jusqu'au jour où, pour empêcher un éléphant de s'en aller, on plante un clou dans le sol, une petite corde après sa patte, et l'éléphant s'entend à la corde et convaincu qu'il a une chaîne. Il n'essaie même pas de la briser, parce qu'il est convaincu qu'il ne peut pas la briser. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit des éléphants qui sont dressés, on les attache avec une corde après un poteau planté dans la terre, et l'éléphant reste l'esclave. Parce qu'il se refuse de croire qu'il est capable de s'en aller au nom de sa foutue mémoire qui lui dit qu'il a déjà essayé. Mais les choses ont changé et l'éléphant, lui, ne veut pas changer. Il reste aussi puissant qu'il l'est, mais convaincu de son impossibilité de briser la chaîne, qui en réalité maintenant est une corde, sinon une ficelle. L'homme, dans l'Antiquité, a été dressé à être médiocre et c'est nécessaire. Cela a été nécessaire parce que l'homme n'aurait jamais voulu tenter l'expérience planétaire, expérience matérielle, qui amène l'homme à découvrir, à expérimenter, à explorer le degré très inférieur vibratoire de la matière, ce qui fait que l'homme est l'un des êtres les plus importants de notre galaxie. L'homme médiocre refuse de penser qu'il est important. Il est important pour lui, mais ce n'est pas de cette importance que je parle. Il a une importance évolutive. L'homme va donc devoir se procréer, parce que l'ego, mémorisant l'expérience, ne veut pas mourir. Et pour que l'homme puisse évoluer, le corps physique doit mourir. En réalité, ça c'est bien que le corps physique est détruit par l'ego. C'est vous qui tuez votre corps physique, ce n'est pas le corps physique qui meurt suite à une loi particulière que l'homme appelle la vieillesse. Lorsque vous vieillissez psychologiquement, lorsque vous devenez plus mature, disons, ou plus âgé, vous avez sans doute déjà remarqué que votre caractère de visage changeait, que vos lignes de main changeaient. De ce fait, vous êtes capable, par la chiromancie, par la lecture des lignes de la main, de connaître votre psychologie. Par votre écriture, de connaître votre psychologie. Par les lignes de votre visage, de connaître votre psychologie. Cela veut dire que votre psychologie transforme votre corps. Et au fur et à mesure que votre psychologie vieillit, elle s'identifie tellement au corps physique qu'elle l'oblige à vieillir. Et lorsque la psychologie est obligée d'être digérée par l'astral planétaire, donc lorsque cette psychologie doit mourir, elle est convaincue qu'elle doit aussi faire mourir tout ce dans quoi elle s'identifie, alors elle tue le corps physique. Et on appelle ce processus le vieillissement. Alors qu'on sait très bien que si, comme j'ai déjà expliqué, une personne assez âgée peut mettre un enfant au monde qui aura une vitalité d'enfant, qui aura des cellules d'enfant, une peau d'enfant, une vitalité, une vie d'enfant, tandis que la personne qui l'engendre et qui le met au monde a peut-être 45 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alors la personne, elle est vieille, elle est flétrie, elle n'a plus la vitalité qu'elle avait, sa peau ne se reproduit plus comme elle le faisait, elle est quand même capable de mettre un enfant au monde qui aura tout la qualité de l'enfant viable, vivant et énergétiquement vital. Alors donc, la vie reste chez l'homme, la vie reste chez la femme. Il y a quelque chose chez l'homme qui vient puiser cette vie pour que le corps physique vieillisse. Le couple, la psychologie du couple nouveau, elle sera totalement différente de la psychologie du couple présent. Rares sont les couples qui vont s'unir parce qu'ils ont une raison intelligente de s'unir. Ils vont s'unir parce qu'ils ont souvent une raison émotive de s'unir. L'homme le mâle, n'est pas exclusivement là pour pouvoir assouvir le besoin psychologique, le besoin émotif de la femme. Et la femme n'est pas là exclusivement pour assouvir le besoin d'énergie vitale de l'homme, ce qui va être échangé par des relations amoureuses et sexuelles. Ceux qui sont déjà en couple peuvent un jour redevenir un couple. C'est-à-dire que le couple présent peut, à un moment donné, devenir un couple nouveau. Mais ceux qui sont en couple et ceux qui ont été en couple savent très bien que plus ils se conscientisent, plus le couple lie à la conscientisation. La majorité des femmes qui viennent seules ici, leur mari ne veut rien savoir. La majorité des hommes qui viennent seuls ici, leur femme ne veut rien savoir. Et ceux qui pensent qu'ils sont seuls, non. Ceux qui viennent ici en couple sont rares. Les autres sont rares. Ceux qui n'ont pas d'amis sérieux, ceux qui ne sont pas mariés, ont beau chercher, ne trouvent pas facilement. C'est normal parce que la psychologie de l'homme nouveau, la psychologie de la femme nouvelle fait en sorte qu'ils veulent s'unir parce qu'ils ne comprennent pas toutes les raisons intelligentes de l'utilité de l'union, mais ils veulent s'unir que lorsqu'ils comprendront ou lorsqu'ils auront des raisons intelligentes de s'unir. Or, ce qui fait que le couple nouveau ne s'unira pas pour le corps physique, en termes de couple. Mais attention, il pourra peut-être engendrer en déterminant les corps physiques. C'est-à-dire qu'il pourra peut-être procréer avec une personne, mais vivre en couple avec un autre. Et ce que je dis ce soir peut être extrêmement difficile à comprendre, cela peut même être violent. Vous y réfléchirez. Mais à un moment donné, vous allez voir qu'effectivement, c'est la solution. Lorsqu'un homme et une femme ont une intégrité vibratoire similaire au niveau du plan astral, donc au niveau du plan psychologique, ils peuvent s'unir. Alors, ils vont dire tous les deux, nous nous aimons. On peut dire, nous nous aimantons. Nous nous attirons. C'est l'amour, c'est une loi d'attraction qui existe dans le plan de la matière, dans le plan de l'énergie vitale, dans le plan de l'énergie psychologique ou astrale, comme dans le plan de l'énergie mentale. Lorsque nous nous attirons, donc lorsque nous nous aimantons, nous avons de l'attirance l'un pour l'autre. Nous avons, je suis attiré. Et cette attraction, si elle n'est que d'ordre psychologique, crée un lien. Et ce lien nous attache à la personne. On est attaché à elle. Et on ne peut pas mieux dire. Parce que sachez que la langue, elle est créée par l'énergie mentale chez l'homme et elle oblige l'homme à communiquer même inconsciemment d'une façon toujours très claire. Et effectivement, l'amour psychologique entrave l'homme. Elle attache l'homme. Elle attache la femme et elle détruit deux êtres libres. L'amour intelligent comprend la liberté individuelle et la nécessité de l'espace individuel pour pouvoir permettre à chacun des deux personnages du couple de pouvoir rester ce qu'ils sont et de ne pas former un seul être. Un seul être, c'est si un jour naîtra un conflit d'ego, un problème dans le couple. Sachez bien que vous n'avez pas de compromis à faire pour quitter avec quelqu'un. Le couple ancien s'aime parce que ça marche. Et un jour, ça marche moins. Et au nom de la mémoire que nous avons du jour où ça marchait, on veut faire des compromis pour essayer de ne pas briser ce qui déjà n'existe plus. S'il y a des enfants entre l'homme et la femme, c'est peut-être une raison intelligente de poursuivre l'initiation par le couple. L'homme ancien est tellement manipulé par la conscience collective qu'il croit moral de se détruire mutuellement au nom d'une union qui a été faite par l'homme et qui peut aujourd'hui, même l'Église le reconnaît, être dissoute par l'homme. Le couple nouveau une chose importante, c'est que ce n'est pas parce que vous voulez devenir des êtres nouveaux qu'il faut que vous s'embargez tout parce que vous dites des choses. De toute manière, tout l'homme, aussi ancien soit-il, un jour va finir par devenir un homme nouveau. Et ce n'est pas un but à atteindre, le fait d'être un homme nouveau. Je parle d'homme nouveau, je parle de femme nouvelle, je parle d'enfant nouveau, pour définir, pour aider à comprendre quelque chose. Lorsque vous rencontrez votre fils et qu'il a l'air tout à fait débile, qu'il a l'air d'un extraterrestre, ben c'est simplement que c'est un enfant nouveau. C'est pas un génie, c'est un enfant qui a une conscience différente de la vôtre et qui va donc voir des choses différemment. Alors, on ne doit pas faire de notre enfant un enfant nouveau, on ne peut pas. Il voit la vie comme il la voit. Mais si un jour il la voit et qu'il vous fait peur en la voyant, c'est un enfant nouveau, c'est que vous êtes un homme ou une femme ancienne. Mais à un moment donné, la vibration de votre enfant va finir par faire monter la vôtre et vous allez finir par penser que c'est peut-être pas si tout ça. Alors, on ne doit pas vouloir devenir un homme nouveau. J'explique ces principes de façon à permettre à ces êtres qui ne sont pas nombreux encore, de plus en plus nombreux, à cesser de se suicider, de se chambrer du fond, à cesser de penser qu'à un moment donné, ils sont fous, à cesser de boire ou de se droguer pour oublier, à cesser de se coller l'oreille sur une radio pour cesser de réfléchir, ou à cesser de rechercher quelque chose de collectif où ils pourront être intégrés comme étant normal. C'est normal d'être anormal. Lorsque tout le monde est normal, tout le monde est pareil. Si tout le monde est pareil, il y a pas mal de monde qui ne sert à rien. Non, c'est vrai. On est 8 dans une compagnie. Alors, on pense tous de la même manière. Ben, il y en a 7 de trop. Lorsqu'on sera 8 à penser différemment, ben là, quand j'ai pas la solution, l'autre l'aura. Mais si on est 8 à penser pareil, je lève la main, tout le monde la lève, ben il y en a 7 de trop. C'est pas moi. Lorsque la femme nouvelle et l'homme nouveau, et je dis bien que dans un couple qui présentement existe, à un moment donné, il peut devenir nouveau le couple, parce que l'homme change à un moment donné, la femme change à un moment donné, et on comprend des choses. On a plusieurs couples qui faisaient le PMC dans le début, et qui maintenant sont des couples qui voient tout différemment, et ils ont progressé ensemble. Pourquoi l'homme et la femme vivent-ils en couple? Pourquoi l'homme et l'homme vit-il en couple? Pourquoi la femme et la femme vit-elle en couple? Parce que le couple, c'est deux personnes qui sont reliées par certains liens affectifs. Ces liens d'attraction peuvent être d'ordre biologique. Elles peuvent être d'ordre vital. Elles peuvent être d'ordre psychologique, et rarement, mais de plus en plus, elles peuvent être d'ordre mental. Et parce que nous voyons deux hommes ou deux femmes, donc deux homosexuels ou deux lesbiennes, s'en aller ensemble, tout notre contexte moral en mange un coup. Lorsque je dis que l'amour humain est un amour qui aime, et c'est pourquoi je dis que c'est une farce, parce que l'amour n'aime pas. Alors, regardez l'amour humain d'un homme ou d'une femme pseudo-normale qui regarde deux hommes s'en aller ensemble et il dit, non, mais comment ça se fait? Il peut même pas les aimer parce qu'il arrive pas à comprendre qu'ils autres s'aiment. L'amour psychologique est un amour humain. C'est l'ombre de l'amour. Et il aime, c'est-à-dire que mon amour aime. Alors, j'aime telle personne, donc, j'exclus pas mal de monde. Et l'amour qui aime est un amour qui choisit. Et l'amour qui choisit est un amour qui exclut. Parce que si elle n'exclut rien, elle ne choisit pas. Elle prend tout. Elle n'aime plus. Lorsque deux êtres humains pensent qu'ils doivent vivre ensemble, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit un homme et une femme, c'est sûr que c'est des enfants plus forts quand c'est un homme et une femme. Mais on ne doit pas simplement regarder l'accouplement, au niveau de l'homme nouveau, du couple nouveau, il n'y aura plus d'homosexualité ou de lesbianisme. Et il n'y aura plus non plus de couple hétérosexuel en amour par-dessus la tête. C'est-à-dire là où la tête est écrasée pour se réfléchir. Ça veut dire la main comme sa tête. Qu'est-ce qui fait que l'homme, que la femme, lorsqu'elle se conscientise, veut finir? Parce qu'à un moment donné, l'homme est capable d'aimer comme la femme. Même s'il a une prépondérance au niveau de l'énergie vitale, comme on l'a déjà vu lors de la conférence de la psychologie de l'homme nouveau, même si l'homme est de prime abord plus sexuel qu'émotif, qu'est-ce qui fait que lorsque l'homme se conscientise, il est capable d'aimer comme la femme, pour rester un homme sexuellement? Qu'est-ce qui fait que lorsque la femme se conscientise, elle est capable de développer un échange d'énergie vitale, de sexualité, même si elle a une prédominance au niveau de l'amour psychologique? Et là, on va rire à un moment donné, on va dire, oui, mais l'homme, il finit par aimer psychologiquement, et un jour, il a besoin d'affection. Lorsque le couple nouveau s'unit, ils s'unissent parce qu'ils ont un travail à faire ensemble, pas parce que physiquement ils se plaisent. Ils s'unissent parce que c'est intelligent et écologique, c'est-à-dire que les deux vont pouvoir travailler plus rapidement, plus facilement. Pas parce qu'ils s'aiment psychologiquement. Et si on dit oui, mais c'est plus de l'amour, c'est vrai, c'est plus de l'amour psychologique. Ça, ça va vouloir dire que si vous avez un enfant, à un moment donné, vous comprenez, vous allez comprendre un jour l'intelligence de ce que c'est un enfant. Que l'humanité actuelle ne sait pas ce que c'est un enfant. On pense que c'est une possession. Mais on ne sait pas ce que c'est un enfant. On ne connaît même pas l'importance réelle au niveau de l'évolution planétaire de ce que c'est qu'un enfant. Pourquoi on devrait avoir un enfant, ou deux ou trois, ou 15 ou 20, dépendant des personnes? Pourquoi et qu'est-ce que c'est un enfant? Si vous aimez d'une façon nouvelle, vous allez comprendre l'intelligence d'aider l'enfant. De l'aider pour qu'il devienne ce qu'il est. C'est-à-dire pour qu'il puisse raffiner son corps physique de façon à exprimer ce qu'il est, pas devenir. De façon à pouvoir l'exprimer. Mais souvent, si on aime de façon émotive, c'est notre enfant, il est beau, il est plus sain des autres. Pas devant lui. Lui, c'est un débile, mais devant nos voisins, tout ça. Hein? Parce que lui, on ne dit jamais. C'est pas nécessaire. Lui, on l'engueule. Nos voisins, on le dit. Et puis, à un moment donné, ben, quand l'enfant veut faire quelque chose qui ne plaît pas à notre morale, ben, on l'aime. Alors, on lui donne des claques. On le remet dedans à notre morale. On l'aime. L'amour psychologique. Et lorsque l'enfant a 17 ans, 16 ans, ou 18 ans, qu'il veut s'en aller, ben, on l'aime. On l'a tellement attaché, on l'aime, on ne veut pas qu'il parte, Quand il part qu'il parte nous autres, parce qu'on se tient prêt. Si l'enfant est assez puissant pour s'en aller, bien, vous arrachez les deux bras, puis là, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Puis on tourne en rond dans la maison pour comprendre plus, on cherche, qu'est-ce qui manque? On aime. J'appelle pas ça de l'amour, moi, j'appelle ça de l'amour psychologique, appelez ça comme vous voulez, mais moi, c'est pas l'amour que moi je vis. Le couple nouveau aime d'une façon non limitative, non attachée. Alors, l'enfant, on l'aime, et l'enfant s'en va, ben l'enfant s'en va, c'est tout. L'amour psychologique n'aime jamais quelqu'un pour lui, il aime toujours quelqu'un pour nous. Alors, lorsque le couple nouveau s'unit, c'est parce qu'ils ont une raison intelligente de s'unir, et non pas parce qu'ils s'aiment d'une façon psychologique, mais parce qu'ils s'aiment d'une façon intelligente. L'amour intelligent est extrêmement difficile à être compris par les personnes qui aiment d'une façon psychologique. Pour plusieurs raisons, dont deux. La première raison, c'est que lorsque vous prenez conscience que l'amour psychologique n'est peut-être pas parfaitement l'outil idéal pour vous amener à ce que vous recherchez et que vous appelez bonheur, la psychologie égoïque qui vous habite peut avoir l'impression à un moment donné qu'elle est complètement imbécile, bref, que vous êtes imbécile, niaiseux, que ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans que vous faites charrier par une connerie. De ce fait, on va lutter et on va refuser d'accepter l'amour intelligent. Mais vous n'êtes pas niaiseux, vous n'êtes pas quoi que ce soit, ceux qui ne le comprennent pas, et ceux qui ne l'ont pas compris longtemps, ils n'ont pas. Puis la journée qu'on comprend, bien tant mieux. C'est mieux comprendre tout de suite après 50 ans que de comprendre dans 3000 ans. Et l'autre mécanisme, c'est simplement l'ego, qui veut posséder. Il appelle ça de l'amour. C'est vrai, l'amour, c'est de l'attraction, qui attire même les choses qui le répulsent, c'est-à-dire les choses qui ne veulent pas être attirées. Combien de personnes ont aimé quelqu'un et que l'autre ne les aimait pas? Et qu'ils ont quand même tout fait pour arriver à faire en sorte que les autres les aiment. D'ailleurs, je pourrais vous sortir un livre à un moment donné, un gros livre qui s'appelle, bon, je donnerai pas le titre, ça se vend encore en librairie, et qui a 156 recettes pour réussir à pouvoir embouter quelqu'un que vous aimez pour qu'il tombe en amour avec vous. C'est la belle amour humaine. Ça va une question? Si on revient un petit peu en arrière, Daniel, il y a une chose qui est frappante, c'est que quand tu parles comme on est l'homme nouveau ou l'homme transitoire, une possibilité, mettons exemple, d'avoir un enfant avec une personne et de vivre en couple ailleurs, c'est comme si chaque étage de l'être humain, chaque étage de l'être humain tendait à se réaliser au maximum. Donc, il utilise tout ce qu'il peut pour avoir le plus haut degré d'harmonie, peu importe les conventions. Non, parlons de l'amour intelligent. Et du couple nouveau. Et ce que vous avez fait a été bien fait. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on parle de quelque chose de neuf, parce que c'est le temps. Que tout ce qui a été fait dans l'Antiquité, ça veut dire que j'ai mal fait, ça veut dire que j'ai... Non, absolument pas. C'était correct. Et c'est ce que vous avez fait qui vous permet aujourd'hui d'être où ce que vous êtes pour comprendre d'autres choses. Alors, faut pas maudire ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est fait. Et puis, vous êtes maintenant ce que vous êtes parce que vous avez fait ce que vous avez fait. Souvent, quand j'explique des choses, on va dire, ça veut dire que les religions, bon, ça nous a rien fait. Ça vous a amené ou ça nous a amené où ce qu'on en est. Ça nous permet de comprendre des choses que sans elles, on n'aurait jamais pu comprendre. Ça veut dire que les guerres, ben non, les guerres, ça nous amène où ce qu'on en est. Maintenant, on sait c'est quoi. On ne sait pas encore tout à fait. Mais on finit par le savoir comme il faut, à un moment donné. Alors, on ne peut pas blâmer le passé. Le couple nouveau marche par intelligence. Est-ce que c'est intelligent? Pensez-y bien. Pensez-y d'une façon mentale. Pensez-y d'une façon neutre. Pensez-y. Même d'une façon aimante. Mais pas l'amour psychologique coloré avec tous vos fantasmes moraux et ces choses-là. Est-ce que c'est intelligent de mettre au monde un enfant qui va souffrir d'hémophilie? Un enfant que lorsqu'on donne une pichenote sur le bras, il se met à saigner et il saigne sans arrêt. Si on aime un enfant, on s'organise pas pour qu'il y ait un corps émotionnel. Si on ne peut pas faire autrement, puis on n'a pas le choix, puis on ne le savait pas, ben la question se pose pas, il est au monde, puis on s'en occupe le mieux qu'on peut. Mais si on a le choix, ben moi, je me tiens les yeux bleus et les cheveux blonds. Et mon frère, non, c'est pas grave, si les yeux bleus et les cheveux blonds, moi, ça me plaît. Là, quand il est au monde, tiens, les cheveux blonds, mais ils sont frisés. Je pensais pas, c'est un direct, moi. Si parmi vous, il y a quelqu'un ici qui est cardiaque, donc qui souffre de déficience coronarienne ou cardiaque, que ses parents sont cardiaques, que ses arrière-parents sont cardiaques, que ses grands-parents sont cardiaques, que toute la lignée en arrière est cardiaque, et que sa femme est cardiaque, et ses parents étaient cardiaques, que l'autre est cardiaque, puis antérieurement, bon, ça crée qu'on a un homme et une femme qui sont cardiaques génétiquement. L'homme ancien va se dire, oui, on veut avoir des enfants. Parfait. Tu sais qu'ils vont être cardiaques. Ça, on le sait. Quand tu rentres à l'hôpital aujourd'hui, oui, bon, vous souffrez de ça, parfait, parfait. Avez-vous quelqu'un dans la famille qui est diabétique? Quelqu'un qui est mort d'une crise de cœur? Oui, on veut savoir. Parce que si oui, ben, on va aller fouiller là. Il y a plus de possibilités que vous ayez ça. L'homme ancien, ben, c'est de ça. C'est pas grave. C'est un enfant pareil, puis à un moment donné, ça devient un adulte, puis à un moment donné, bon, il fait des pontages, on rentre à l'hôpital, on le sait pas, on est dans le monde. Mais si on peut savoir, et aujourd'hui, on peut savoir, je vous parle pas de ce que vous avez fait, vous pouviez pas savoir, puis moi non plus. Mais à un moment donné, quand on peut savoir, ben là, on dit pas, je suis pas pour changer, ça fait 15 ans que je fais mal, je sais pas pour commencer à bien faire. Ou encore, ah, ben, ça fait 15 ans, ben oui, ça fait 15 ans que t'as bien fait. L'homme fait ce qu'il peut faire de mieux. Mais lorsqu'il apprend d'autres choses, ben, lorsqu'il le comprend bien, c'est ça qui commence à changer. Ce que je dis ceci, et ce soir ne se fera pas demain matin, c'est dans 15, 20, 30, puis 50, puis 75 ans que ça va commencer à se faire un peu plus. Mais on commence à en parler, c'est le temps de commencer à en parler. Parce que si j'en parle dans 15 ans, ça va être dans 95 ans que ça va commencer à se faire. Bon, ce qui arrive, c'est que moi, je suis qu'une femme, ma femme est cardiaque, moi je suis cardiaque, on est bien amanché. Ça ne dérange pas. On a des médicaments qui nous aident, on a des mitraux, on a de l'isorvide, on a... Je fais une vie normale. Mais j'aurais maudit aimé mieux. n'être pas cardiaque, sans risque pathologique de devenir cardiaque. Alors, il y a deux choses. Le milieu peut m'y aider, l'éducation. L'éducation des enfants, l'éducation des adultes, c'est important. Vous aussi, vous pouvez commencer à vous éduquer. Il n'est pas trop tard. Des fois, c'est plus compliqué. Il n'est pas trop tard. Mais là, je me dis avec ma femme, bon, ben, ça serait le fun d'avoir un enfant. Et puis, je me dis, ce serait le fun, mais là, on va chercher une poupée à place, et à vendre, puis on aura une poupée. Lorsque je pense que peut-être que je peux, moi, réellement, arriver à éduquer. Je suis, avec ma femme, un contexte idéal à l'évolution d'un enfant. Là, je commence à avoir une mot de raison intelligente d'avoir un enfant. Moi et ma femme, on est un contexte idéal. Nous autres, à l'intérieur de ce contexte, avec un enfant, on va pouvoir apprendre. Et lui, c'est officiel que le contexte que nous sommes va lui permettre d'être n'importe quoi. Mais lui. Mais n'importe quoi. Mais lui. C'est ça qu'on fait normalement. On veut qu'il soit n'importe quoi comme médecin, avocat. C'est ça qu'on veut. Bon. Alors moi, je me dis avec ma femme, on est un contexte idéal pour l'évolution d'un enfant. Mais est-ce que c'est extrêmement nécessaire que cet enfant soit génétiquement relié à nous? Est-ce que c'est absolument nécessaire que cet enfant-là soit génétiquement relié à nous? L'homme ancien se pose pas la question, il répond oui. Parce que sinon, ce ne sera pas son enfant. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'enfants à Sainte-Justine. J'ai enseigné longtemps à plusieurs jeunes et puis j'ai aussi des enfants. Et puis non, c'est pas nécessaire que l'enfant soit génétiquement relié à nous. J'ai eu bien plus d'enfants que tous les parents de la planète. Puis j'ai même eu des enfants qui parents, qui certaines personnes pensaient que c'était eux autres. Mais que les enfants pensaient plus que c'était à moi. C'est pas nécessaire. Il y a évidemment un avantage majeur de créer par la génétique un enfant, c'est-à-dire que lorsque nous avons des transformations évolutives et que un homme et une femme créent un enfant, automatiquement, ils lèguent à l'enfant tous leurs avantages évolutifs. Donc, l'enfant, en naissant, est déjà supérieur aux parents qui l'ont mis au monde à la même âge que les... Donc, quand l'enfant a un an, il est supérieur aux parents lorsque les parents avaient un an. Et c'est normal qu'à un moment donné, un enfant de 12, 13, 14 ans, ben, puisse vous enseigner des choses et vous faire rougir pour la simple raison que vous lui avez donné ce que vous y aviez de mieux. Attendez-vous pas que ce soit à 60 ans qu'il découvre. Il est supérieur à l'homme et à la femme qui l'engendre. C'est fait normal. Sauf que l'éducation le limite et l'empêche de l'être. Ce qui est souvent le cas. Ça a un avantage de mettre un enfant au monde. Parce qu'on transmet, on lui lègue notre propre évolution. Et c'est comme ça que l'humanité évolue, de marche en marche. Mais on peut aussi léguer notre évolution par le milieu, par l'éducation, par le contexte. Et lorsque le couple nouveau s'unit, c'est parce qu'il crée un contexte d'évolution. Pas parce qu'il s'aime. Ils s'aiment mauditement plus. Ils ne se sépareront pas. Ils n'auront pas de chicane. C'est un contexte d'évolution, ils le savent. Lorsqu'ils vont prendre un enfant avec eux, soit en le mettant au monde, soit en l'adoptant, oh, il l'aime mauditement plus que l'homme ancien. Parce que l'enfant va avoir le privilège de devenir lui. Et les parents, l'homme et la femme, ne deviendront pas un couple uni et un seul couple fusionné, puis les deux êtres qu'il y avait là avant qui s'aimaient disparaissent dans le couple, là. Même amené à faire se retrouver, puis là, ça passe dessus pour se libérer, c'est pas ça. L'homme va rester lui. La femme va rester elle. Puis vous allez voir que, pourquoi qu'on dit souvent que avant le mariage, ça marchait, puis une fois marié, ça marche plus. Souvent. Et les couples qui s'accotent, souvent, vivent plus longtemps à côté que ceux qui se marient. Pourquoi? Parce que les deux restent eux autres. Alors, lorsque l'homme est jeune, lorsque l'homme fait du sport, lorsque l'homme a des petites conférences, lorsque l'homme va jouer au golf, l'homme joue au tennis, l'homme va à la chasse, oh, la femme, elle trouve donc beau, fin, bien bâti, puis tout parfait. Puis elle aime donc ça un homme de même. Puis lorsque elle se marie avec cette femme-là, ben là, l'homme reste ça, plus souvent à la maison. Fait que là, l'homme va plus à faire. L'homme fait moins de sport. L'homme commence à engraisser. L'homme perd ses muscles. L'homme commence à être bon. Là, la femme, elle n'a plus l'homme qu'elle a connu. C'est la même chose pour l'homme. Il aime bien la femme comme qu'elle est. Puis une fois qu'elle est mariée, ben là, elle s'organise pour qu'elle ne puisse pas. Il va garder. À un moment donné, il découvre que c'est plus elle. Mais c'est ça. Comme c'est plus celle que j'ai connue. Ben non, mais à l'époque, moi, je sortais 5 fois par semaine quand tu m'as connue. Ça me permettait d'être ce que t'aimais. Mais maintenant, ben, je sors une fois par semaine, c'est pour aller porter le courrier. Fait que là, ben là, évidemment, je suis plus comme j'étais, puis je l'aime plus. Le couple nouveau s'unit parce que il crée un contexte d'évolution, un cadre d'évolution. C'est beaucoup plus une expression de l'amour, intelligent. Et lorsque moi, cardiaque, ma femme cardiaque, nous voulons avoir un enfant, ou bien nous adoptons un enfant, alors je vais voir quelqu'un, puis je lui dis, j'ai besoin d'un enfant. C'est moins comme un autre. Quand il avance. Mais l'homme ancien ne peut pas comprendre ça. Ou bien encore, moi, je suis cardiaque, ma femme ne l'est pas. Mais toute ma lignée l'est. Alors, si je fais un enfant avec elle, un enfant sur deux risque d'être cardiaque. Je parle de cardiaque, mais on a aussi un paquet d'autres maladies, que ce soit la syphilis, que ce soit un paquet de maladies qui sont génétiquement transmissibles. Alors, qu'est-ce que l'homme nouveau devrait penser? Selon vous, quelle serait la solution? Vous êtes un homme et une femme, un cadre parfait pour l'évolution d'un enfant et pour le vôtre. Parce que ça fait que c'est nécessaire d'avoir un enfant. À un moment donné, on a un couple parfait, un cadre parfait d'évolution, et l'enfant n'est pas nécessaire. Alors, il n'est pas. Si à un moment donné, il y a un accident, il y en a un, bon, ben, c'est pas un accident, on le prend, c'est fini là. Alors, ça s'en occupe. On transforme le cadre d'évolution pour lui permettre à cet enfant-là d'être intégré dedans. Sinon, on va tous s'en sortir. L'enfant comme les adultes. Mais si à un moment donné, on voit que l'ajout d'un enfant ou de deux ou de trois permettrait au cadre d'évolution d'être totalement bénéfique pour les enfants et pour les adultes, alors il est donc intelligent d'avoir une famille. Mais si moi je suis pathologiquement transmissible et ma femme non, alors, quelle serait la solution? Intelligente. Parce qu'on aime trop. Pour ne pas créer un enfant qui va souffrir toute sa vie, quelle serait la solution intelligente? La solution que le couple nouveau va aborder. Pas parce que le couple nouveau est libéral, simplement parce que le couple nouveau est intelligent. J'aime pas mon enfant parce qu'il a les yeux bleus. Parce que lui est capable d'amener sur la planète Terre une énergie que moi aussi j'amène. Et parce que lui est capable d'expliquer des choses, de comprendre des choses, d'avancer seul. Pas besoin de moi. Même s'il a 6 ans, il n'a pas besoin de moi. C'est merveilleux. Alors, je l'aime pour la simple raison que lui et moi, on fait la même chose. Et moi, j'ai besoin de ma liberté, lui a besoin de la sienne. Quand on va finir pour faire un job, on fait un travail ensemble, puis notre union elle est limitée. Quand le travail est fini, il revient lui, moi je reviens moi. Mais toujours, on va être capable de se respecter, de se rencontrer, de se parler, de se travailler ensemble. Si jamais on va saillir, ça n'existe pas. Parce qu'on ne s'aime pas. Comme l'homme en aime. Alors, est-ce que c'est... Quelle serait... Je ne vous réponds pas, je vous laisse répondre. La solution, lorsque on a un des deux du couple qui a une maladie qui est génétiquement transmissible et l'autre qui ne l'a pas, lorsqu'ils veulent un enfant. Quelle serait la solution? La plus intelligente. La plus aimante. On a des hommes qui comprennent, on a des femmes aussi qui comprennent. Alors, on a une personne ici qui répond. Je répète pour l'enregistrement que la meilleure chose à faire serait d'aller chercher une personne du sexe opposé qui a une évolution suffisante et qui va nous donner un enfant. Alors, automatiquement, si moi, je suis cardiaque, ma femme ne l'est pas, alors ma femme va donc enfanter avec quelqu'un d'autre. Et l'enfant, nous, on s'en occupe, ça va de soi, on est le cadre. Et la génétique de ma femme qui est parfaite est transmise, et la génétique d'un autre qui est relativement suffisante est transmise. Et on va dire, ouais, ben, c'est ce qu'on fait avec l'insémination artificielle de toute manière. On a des couples qui, à un moment donné, sont capables d'avoir des enfants et qui, à l'origine, ne pouvaient pas. ça a été une grosse frustration mondiale quand ça a commencé. Il y a des enfants qui sont mauditement heureux qui sont venus au monde comme ça. Mais le couple les attendait, ils étaient prêts. C'est pas un accident, hein, ils savaient en crime. Ils ont travaillé pour, puis ils ont énergisé pour. Et c'est encore un mécanisme ancien, sans doute, qui les a amenés à faire ça. Mais on s'y rapproche. Pourquoi l'homme ancien qui aime ça n'est pas capable de s'occuper de l'enfant d'un autre? Il est capable un petit peu, mais c'est pas long, c'est un petit monde. Pourquoi? Vous appelez ça de l'amour? C'est l'homme nouveau, non, absolument pas. Et l'homme nouveau, un enfant, c'est un enfant, puis un homme, c'est une femme, c'est un homme, c'est une femme. C'est pas nécessaire qu'on le connaisse pour décider qu'on l'aime. Mais l'homme ancien a besoin de connaître quelqu'un pour l'aimer. Hein? Vous accueillez chez vous quelqu'un, ben, qui vont vous lui offrir à manger, puis à coucher. Mais c'est votre oncle, c'est votre tante, c'est votre mère, c'est votre père, ça va bien. Mais quand c'est quelqu'un que vous connaissez pas, qui est mal pris, ben, on va dire au nom de la morale, ou parce que si, parce que ça, parce que ça, mais c'est au nom de quelque chose d'autre, c'est pas en votre nom que vous l'accueillez. Mais plus souvent qu'autrement, au nom de n'importe quoi, on le laisse dehors. Au nom que c'est dangereux, au nom qu'on peut se faire violer, au nom qu'il peut nous voler, au nom que les assurances veulent pas, au nom que belles choses. Et ça, c'est l'amour de l'homme ancien. Alors, le couple nouveau, qu'est-ce qui est primordial à retenir dans cette essence même du couple nouveau? C'est de voir l'intelligence de créer un cadre d'évolution. Pas de créer un foyer. Un foyer, vous savez comment ça marche. C'est toujours un petit bois. Ça brûle. Il faut pas ça brûle trop. Il faut pas vous passer. La cheminée s'encrasse toute. Ça bouche. Il faut toujours qu'une troisième personne s'en mêle. Vous avez vu sa cheminée. Alors, quand on crée un foyer, on fait ça dans l'ancien temps. Mais c'est pas bon. Lorsqu'un homme, lorsqu'une femme vont s'unir, il faut qu'ils comprennent l'intelligence de ce qu'ils font pour créer un contexte d'évolution qui va être bénéfique aux deux. Parce que le contexte n'est plus bénéfique aux deux, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est pas compliqué. On n'attend pas 50 ans, on n'attend pas 25 ans, on n'attend pas 30 ans, on n'attend pas 5 ans. Mais si l'homme s'unit parce qu'il est amoureux, il peut se séparer inintelligemment parce qu'il est haineux. Et lorsque le couple est uni par intelligence, c'est bien, bien rare qu'un couple, à un moment donné, découvre qu'il n'y a plus d'intelligence en restant ensemble. Bien rare. Mais les couples anciens, par exemple, oui. Mais le couple nouveau, non. Pourquoi? Parce que vu que j'ai pas une attraction majeure, je cours pas après une femme. Puis les femmes courent pas après les hommes. Si à un moment donné, j'ai trop de libido, bon, ben, je la rends. La femme aussi. Mais je cours pas, puis je me marie pas, puis etc., etc. J'ai un de mes amis, d'ailleurs, à un moment donné, qui a défroqué complètement. Il s'est marié parce que il ne pouvait pas coucher avec une femme autrement que s'il était marié. Alors, il s'est marié, puis là, il couche avec sa femme. Mais il y a un autre problème, c'est qu'il ne peut pas coucher avec sa femme autrement que pour faire des enfants. Alors, ils ont plein d'enfants. Mais oui. Puis la femme, ben là, elle est rendue, dernièrement, il y en avait quatre, puis je suis pas sûr que c'était pas simple. C'est ridicule. Alors, il aime Dieu. Ben, je sais pas s'il aime Dieu, mais je sais pas si Dieu l'aime, en tout cas, lui. Si l'homme nouveau, la femme nouvelle, crée un contexte d'évolution, c'est officiel qu'ils n'auront pas à le casser à un moment donné. Parce que c'est pas de l'amour psychologique, c'est pas de l'attraction, c'est pas de la galipote. À un moment donné, un homme rencontre une femme et deux, trois mois, deux, trois jours, deux, trois ans après, ben, ils travaillent ensemble pour la même chose. Alors, pourquoi faudrait qu'on paye chacun un loyer? Non. Alors, on s'en vient ensemble, mais moi, je continue ce que je fais, tu continues ce que tu fais. Mais on s'est unis parce qu'on faisait la même chose. Moi, j'aimais jouer au tennis, t'aimais jouer au tennis. J'ai pas commencé à vouloir aimer jouer au tennis parce que t'aimais jouer au tennis et de courir après. Moi, je fais ce que je fais, toi, tu fais ce que tu fais. Tu sais, quand tu vois une femme la première fois ou un homme la première fois, c'est un corps de tennis. Il dit, il aime vous tenir. Mais oublie. Un jour, tu vas chasser, ta rencontre avec un fusil. Tiens, elle aime chasser. Mais oublie. Un jour, tu vas à pêche, puis à ta rencontre, tu pêches. Mais là, vous avez peut-être plusieurs fois, quand même. Alors là, peut-être que là, ça peut faire un couple qui ne se lâchera pas. Mais pas pour une chose, deux ou trois. À trouver mon char beau, trouver ses cheveux beaux, sa belle teinture. C'est pas comme ça qu'on marche. Alors, je vis, comme ici au centre, il y a plusieurs couples qui ont commencé à se former ici. Je pense que c'est des couples qui ne se sépareront pas du tout. pour la simple raison que tout ce que l'un fait et qu'il adore faire, c'est lui. L'autre le fait pour elle. Elle ne le fait pas pour lui, puis lui ne le fait pas pour elle. Alors, elle, ça ne peut pas casser. Lui fait toujours ce qu'il aime pour lui, alors il est lui. L'autre le connaît comme il est. L'autre va rester comme ça. Puis elle a fait ce qu'elle aime, alors l'homme la connaît comme elle est. Pas comme elle joue, comme elle est. Et vu que les deux avancent dans le même chemin, ça se sépare plus. Et si en plus on met un enfant à un moment donné à l'intérieur de ça parce qu'on a une raison intelligente d'en mettre un dedans, mais l'enfant avec doit ça obligatoirement rester lui. Pas devenir ce que nous aimerions. On en parle souvent, ça, qu'on veut toujours que nos enfants deviennent ce qu'on n'a pas pu être, puis tout ça. Moi, j'ai enseigné le judo longtemps à des jeunes, puis quand les jeunes naissaient, je leur demandais, c'est ta mère ou ton père qui veut que tu fasses du judo? Alors, ils répondaient, ben, c'est mon père. Mais toi, ça te parle dessus? Ben, pas le choix. On les inscrivait. Puis, peut-être qu'un enfant sur 30, ben, non, c'est pas mon père, c'est pas moi, c'est pas ma mère, c'est moi qui veux venir. Un enfant sur pas beaucoup. Sur les parents. Alors, on le sait tellement que ça ne touche même plus. Si on continue à être comme ça. Alors, à un moment donné, c'est extrêmement important de bien comprendre que le couple nouveau crée un contexte d'évolution, un cadre d'évolution. Et lorsqu'un enfant vient se placer dedans, le cadre d'évolution doit rester ce qu'il est. Et là, l'homme aime drôlement plus que l'homme ancien. L'amour, c'est lorsque vous permettez à n'importe quoi ou à n'importe qui de venir vers vous. Et l'amour est total lorsque vous permettez à n'importe qui ou à n'importe quoi de s'éloigner de vous. Sinon, vous l'attachez. C'est pas de l'amour. C'est un simulacre d'amour. Je laisse venir à moi ce que j'aime. Donc, ce que j'aime pas, je veux rien savoir. Et je laisse partir de moi tout ce que j'aime pas. Mais ce que j'aime, je le garde. C'est comme ça que l'homme entier fonctionne. Et c'est pas grave, c'est normal. Cela est obligatoire parce que sinon, l'homme aurait fait des conneries. Conneries sur lesquelles je reviendrai plus tard. À un moment donné. Mais pour l'instant, il est temps que l'homme commence à comprendre ce que c'est l'expression de l'amour intelligent. Parce que l'homme commence à faire des conneries. C'est une petite dernière question. Dans le couple nouveau, les deux vont pas mal investir beaucoup d'énergie à l'extérieur du couple. Est-ce qu'ils vont rester suffisamment de temps pour se régénérer, se reposer, etc.? Bon, alors prenons un homme, une femme qui ne se connaissent pas, donc qui investissent toute leur énergie à l'extérieur du couple parce que le couple n'existe pas. Un jour, ils se rencontrent. Et donc, suffisamment d'énergie pour qu'ils se rencontrent. Et pourtant, ils investissent tout à l'extérieur. Alors, lorsque un couple intelligent, dans le sens de conséquentiel, s'unit, ils peuvent continuer à tout mettre à l'extérieur, ils seront de plus en plus unis, parce que c'est l'extérieur qui les unit. Tandis que si tu veux mettre de l'énergie à l'intérieur du couple, cela veut dire que tu es prêt à te soumettre un peu à l'autre. On appelle ça faire des compromis. Ça paraît moins pire. Et lorsque tu fais le compromis, cela veut dire que ce qui t'énergisait avant, tu en coupes des parties pour que l'autre puisse prendre cette place. Puis à un moment donné, toi, tu vas prendre un peu dans la place de l'autre, l'autre aussi doit faire des compromis. Elle doit se soumettre. Elle est ta femme. Et tu es son mari. Vous possédez l'un l'autre. Elle peut peut-être le dire, d'ailleurs. Vous possédez. Faites posséder. Complètement. Le couple nouveau ne se fait pas posséder, c'est-à-dire qu'il s'unit. Il s'unit pourquoi? Parce que tout ce qui est à l'extérieur les pousse à être ensemble, alors ils fonctionnent ensemble. Tu peux faire... Qu'est-ce que c'est mettre de l'énergie à l'extérieur du couple? Cela veut dire en mettre lorsque l'autre n'est pas là et que l'autre aimerait que toi, tu sois avec. Lorsque je vais voir un film et que ma femme m'attend, s'assoirait sous le divan, ben là, il faudrait que je mette de l'énergie dans le couple parce que ma femme est une têteuse d'énergie, elle en a besoin. C'est que de temps en temps, c'est pas ça. Faut que je reste là puis que je fasse comprendre que je suis resté parce que je voulais rester pour elle. Si elle a dit, oh ouais, mais c'est parce que je peux demander parce que sans ça, tu vas pas rester. Bon. Fait que, ben oui, mais c'est pas ça. Non, non, sérieusement, je veux rester. Puis, ben, oh ouais, mais si tu te dis pas, il faut que tu chales après puis tu le fasses. Non, mais chale-moi pas après. Bon, je suis pas comme ça, c'est pas de me déformer. Alors là, il faut que je mette de l'énergie dans le couple parce que le couple est en train de se désagréger. Mais ce couple-là n'a jamais existé réellement. Il a existé dans la conscience psychologique des êtres humains, dans la conscience psychologique de la famille, dans la conscience psychologique du juge, de l'avocat ou du prêtre. Mais il n'a pas existé dans la conscience cosmique. Ce couple n'avait pas à être. Et l'homme veut créer des choses qui n'ont pas à être. Alors il met son énergie dans le couple. Et puis là, ben là, il perd sa job. Ben non, il perd ses chums parce qu'il n'a plus d'énergie dans ce qu'il devait en mettre. Il en met dans le couple. Puis quand il a tout mis dans le couple, l'énergie qui est ramassée à l'extérieur, il perd l'extérieur. Puis quand il est tout ramassé à l'extérieur, ben il perd le couple. J'en connais assez, moi, qui ont perdu plusieurs de leurs amis, qui ont perdu plusieurs positions et qui, en fin de compte, ont aussi perdu leur femme ou leur mari. Alors, s'ils auraient perdu rien que la femme ou rien que le mari tout de suite, ben, il y avait encore leur position, il y avait encore leurs amis, il y avait encore tout ce qui leur permettait d'être eux autres. Le couple nouveau s'unit, et lorsque la femme va au cinéma, la femme va au cinéma. L'homme n'est pas là, puis il attend pas que la femme le rende heureux. Il n'est pas inquiéteux. La femme non plus, elle laisse son mari s'en aller, et elle n'a pas besoin de son mari pour être heureuse, parce qu'elle s'assume elle-même. Lorsque mon enfant veut coucher chez le voisin, ben, il couche chez le voisin. J'ai pas besoin de le sentir dans la chambre ou me sentir bien. Je m'assume. Donc, je ne pas mon enfant, je ne pas mon mari, je ne pas ma femme. Et ces couples-là ne se séparent pas parce qu'il n'y a aucune foutue raison de se séparer. Pas. La première, c'est quels sont les trois points les plus difficiles vécus au Pérou? C'est la seule là, sur l'extérieur. De... extrêmement, très, très extérieur au contexte et même au Pérou. Bon, moi, personnellement, les trois points, un des points les plus difficiles, ça a été d'avoir ramené 5 autres personnes. Non, il n'y a pas eu grand-chose de catastrophique. Il y a une journée où, dans la jungle, on a attrapé une tarentule, on l'a mis dans un pot. Une autre journée, elle semblait être morte dans le pot. On a passé la sortie pour en prendre une photo, mais on a décidé de sortir après dîner. Puis, quand on était revenu pour la sortir, bien, elle n'était pas morte, elle était simplement en état de léthargie. Elle a changé de peau, puis il y avait 2 tarentules dans le pot. Ben, la peau puis la tarentule, alors une chance qu'on l'a pas sorti. Elle avait dîné avant vous autres. Oui. Non, rien de catastrophique. Disons que, hors contexte ésotérique, dans ce qu'on a fait, ben, à un moment donné, on a eu un chauffeur de collectivo, c'est une espèce de taxi collectif, et puis on était dans les Andes, très très haut, il manque d'oxygène dans les Andes, et puis on était 4 à bord. Et moi, j'avais amené différents médicaments, surtout pour les autres. Et puis, j'avais donc, entre autres, de l'isordil, qui est un médicament qu'on sert pour les angines de poitrine. Et puis, il n'y a personne dans le groupe qui souffre d'angines de poitrine, mais un petit feeling que ça pouvait être utile. Et puis, je les avais laissés à un de mes amis, qui, lui, n'était pas avec nous dans l'auto. Puis, notre chauffeur a eu une attaque cardiaque. Alors, il a fallu que moi, je conduise le taxi pour revenir en bas jusqu'à un village beaucoup plus bonne altitude, où il y avait de l'oxygène et tout ça. Puis, mes médicaments, ben là, je l'aurais eu besoin, mais je ne savais pas. Fait qu'on on s'en est pas servi du voyage, fait que les amis pour rien. Alors disons que c'est simplement amusant. On a passé une nuit dans une région relativement noire en énergie. Il faisait 0 degré, il pleuvait à verse, puis il y avait tout le monde, une 50aine de personnes qui nous regardaient, qui nous riaient de nous autres. C'était assez intéressant. Et puis dans la jungle, rien de catastrophique. La première nuit, on s'est demandé si on allait se promener dans la jungle. Et puis, il y a des jaguars qui ont hurlé pour nous répondre. Et puis, le lendemain matin, on avait la tarentule qu'on attrapait. Alors, c'était assez amusant. Et puis, on a fait le travail qu'on devait faire. On a eu un orage assez exceptionnel. Les indigènes de la région n'avaient jamais vu un orage comme ça. D'ailleurs, nous autres non plus. Alors, il pleuvait, il y a plusieurs arbres qui sont tombés, tout se promenait, c'était la nuit, il y avait des éclairs à toutes les 2-3 secondes, sans arrêt. Alors, c'est assez intéressant. On se promenait sans lumière, il faisait clair. C'était assez bien. Disons qu'on n'a rien eu de bien difficile, c'était la facilité même, sauf que normalement, il aurait pu y arriver plusieurs choses, mais il ne nous est rien arrivé parce que c'était pas possible. OK, mon Daniel. On passe avec la deuxième qui est hors contexte. Pourquoi Judas a-t-il vendu Jésus aux Romains? Pourquoi l'a-t-il trahi? Je m'excuse de cette question hors sujet, mais c'est important pour moi. Votre conférence était formidable. Merci. Bon, effectivement, c'est intéressant. Alors, pourquoi Judas a vendu Jésus? A trahi Jésus? On va, Judas a trahi Jésus parce qu'il aimait Jésus. Alors, il aimait le Nazaréen d'une façon mentale. D'ailleurs, comme les apôtres avaient l'apanage de l'énergie supramentale que dans l'Antiquité, on appelait l'énergie du Saint-Esprit. Mais chez Judas, il restait encore quelques parcelles. D'ailleurs, Judas était l'un des plus évolués des apôtres de Jésus. D'ailleurs, Pierre a trahi Jésus lui aussi, d'ailleurs, plus qu'une fois. L'un des apôtres méconnus de Jésus était Lazare, et lui n'a pas trahi Jésus. Judas était l'un des plus avancés. Par contre, il lui restait suffisamment de parcelles d'ego pour pouvoir, à un moment donné, colorer complètement sa possibilité de discerner l'énergie supramentale de l'énergie astrale collective. Lorsque le Nazaréen devait passer par la croix, parce que le Nazaréen voulait, d'ailleurs c'était essentiel qu'il laisse une trace suffisamment indélébile dans la mémoire planétaire de son passage, alors la crucifixion était ce qu'il y avait de mieux. Lorsque le Nazaréen a décidé, conjointement avec ce que lui appelait son père, ce que moi je peux appeler mon esprit, de passer par cette expérience planétaire, expérience surtout pour l'extérieur et non pas pour lui. Alors il a demandé à celui qui était le plus fort parmi ses apôtres, à Judas, de bien vouloir le vendre aux Romains. Alors Judas l'a effectivement trahi, c'est-à-dire que le Nazaréen faisait partie de la secte des Nazaréens, secte affiliée à la secte des Esséniens. Et le grand prêtre de la justice chez les Esséniens, qui portait le nom à l'époque de Melchisédek et qui n'a rien à voir avec l'ordre des Melchisédek au niveau ésotérique, ce chef de la justice et de la paix de l'ordre essénienne, Melchisédek, de façon détestait les femmes, parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas d'armes, selon la conception juive, romaine ou essénienne. Et seule la secte nazaréenne acceptait les femmes pour pouvoir avoir des enfants. Et le Nazaréen est né d'une secte nazaréenne, évidemment, parce que Nazareth est une ville qui a été baptisée ainsi 300 ou 400 ans après la disparition du Nazaréen. Alors, c'est pourquoi aussi en ésotérisme, on appelle Jésus le Nazaréen et non pas Jésus de Nazareth, parce qu'il n'est pas né à Nazareth. Lorsque le Nazaréen s'est dirigé vers les Romains venaient de Rome parce qu'on ne voulait pas que les Romains de la place viennent prendre Jésus pour... D'ailleurs, on s'en était lavé les mains à un moment donné, et on a continué à s'en laver par après. On ne voulait pas que les Romains de la place puissent donner l'impression au peuple qui aimait le Nazaréen que c'était une coup montée par les Juifs, les pharisiens. Alors, on a fait venir des Romains de Rome qui sont venus chercher le Nazaréen pour l'amener devant Pilate. Et les Romains de Rome ne connaissaient pas le Nazaréen, donc il fallait absolument que quelqu'un désigne le Nazaréen. Alors, lorsque Melchisédek, qui avait comme fonction autre celui de juger les Esséniens, celui de dynamiser la première guérilla de l'époque, c'est-à-dire les Zélotes, et le Nazaréen avait été éduqué chez les Esséniens pour devenir le roi des Juifs, c'est-à-dire le chef des Zélotes, commenter une révolte contre le Rome et mettre les Romains dehors pour que la religion juive, pour que les Zélotes et pour que la secte essénienne, le plan essénien, puisse arriver à terme. Alors Melchisédek est allé voir le Nazaréen pour lui dire de ne pas se rendre aux Romains, de ne pas se crucifier, ce n'était pas génial, qu'il serait bien mieux s'il serait le roi des Juifs. Il y avait tout le peuple juif qui était prêt à le supporter. Alors le Nazaréen ne voulait rien savoir. Lui avait un chemin beaucoup plus intelligent à suivre que celui de devenir le chef d'une guérilla, de guérilleros. Et lorsque les Romains sont apparus, ils ont posé la question, et puis on peut vérifier dans la Bible. Il y avait un petit bout, parce que le Premier Testament a été écrit... 90 ans après la mort du Nazaréen, alors on a censuré quelques petites parties. Alors, un Romain a demandé « Qui est le Nazaréen? » Alors, Judas s'approche de Melchisédek et l'embrasse. Alors, les Romains sont emparés de Melchisédek, Judas venait de trahir le Nazaréen. Parce qu'il avait en lui un peu trop d'ego humain et il n'a pas voulu que son Nazaréen, c'est-à-dire que le Nazaréen, ait se faire crucifier. Alors, on a pris Melchisédek, les Romains ont pris Melchisédek, et là, Jésus s'est approché et il a dit, « Non, je suis Jésus. » Alors, évidemment, dans la Bible, on le met comme, qui est Jésus? Alors, Judas embrasse Jésus, et là, le Romain lui demande, « Est-ce que tu l'es? » Et lui répond, « Oui, je le suis. » Mais c'est pas tout à fait comme ça. C'est que Judas a trahi Jésus, c'est qu'il a embrassé Melchisédek pour vendre Melchisédek aux Romains. De façon à sauver le Nazaréen, mais le Nazaréen voulait passer par la croix, donc il le trahissait. Alors, les Romains ont pris Melchisédek, Judas a vu sa faiblesse égoïque après, c'est d'ailleurs son argent qui avait... c'était pas une farce, là. Il s'est pendu, mais parce qu'il avait trahi le Nazaréen, pas dans le sens où on l'entend, parce que Judas, qu'est-ce que le Nazaréen aurait fait avec un apôtre qui l'aurait trahi à la fin? Non, intelligent comme il était, il connaissait l'apôtre, il le savait. Mais c'était essentiel. Pourquoi il a même dit que celui qui va me trahir, ça va être, il est assis à notre table? Alors, il le savait, alors pourquoi il le laissait faire? Parce qu'il voulait. C'était tout prévu. Alors, dans la Bible, on change un peu les choses, mais Judas n'a pas trahi dans le sens humain du terme, c'est-à-dire qu'il n'a pas vendu le Nazaréen. Il n'a pas voulu le vendre. Tandis que le plan du Nazaréen était de passer par là. D'ailleurs, il a dit lui-même à un moment donné, il a demandé à son père s'il pouvait lui ôter ce calvaire. Mais sinon, ben tant pis. Et ça, c'est l'ego du Nazaréen qui parlait à son esprit. Alors, et donc, Judas a trahi en ce sens qu'il a presque empêché le Nazaréen d'accomplir ce qu'il devait faire ici. Et le Nazaréen, ben, il allait dire aux Romains que c'était lui. Puis Melchisedec n'a pas trop insisté. Alors, ce qui fait que le Nazaréen a poursuivi son travail. Alors, c'est de cette façon que Judas a trahi. Et pas comme on le pense. OK. C'est une autre forme d'amour, ça, finalement, humain, comme tu disais. Il avait de l'amour intelligent, mais il avait un peu trop de parcelles d'amour humain. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, il a eu de l'attachement pour le Nazaréen. Et cet attachement a failli tuer, enfin, a failli empêcher. Si ça aurait été empêchable, mais c'était pas empêchable. OK, on revient au couple. Le couple transitif, qu'est-ce que cela peut être dans le tous les jours, si tu veux? Bon, le couple transitif, c'est le couple, comme l'homme transitif, c'est le couple qui, entre le couple ancien, qui s'aime émotivement, donc qui ont des liens d'attachement, se dirigent lentement parce qu'ils ont la compréhension, sans nécessairement pouvoir le vivre immédiatement, ils ont la compréhension de l'intelligence de ce que devrait être le couple nouveau. Et c'est comme l'homme transitif ou la femme transitif ou l'enfant transitif, c'est qu'il perçoit que ça a de l'allure, mais il ne peut pas le vivre. Mais ça, c'est normal. C'est sûr qu'à un moment donné, on comprend des choses. On ne peut pas nécessairement tout appliquer tout de suite. Il y a l'ego, il y a toutes nos mémoires qui nous en empêchent. Parce que l'homme s'évertue à aimer son passé. Donc, l'homme ne peut pas connaître le présent ou connaître l'avenir. L'homme a peur de l'avenir. Il n'aime pas l'avenir, l'homme. Il aime son passé, mais il n'a pas peur du passé. Alors, l'homme aime ce qui ne le rend pas craintif et n'aime pas ce qu'il ne connaît pas, ce qui le rend craintif. Alors, le couple transitif, c'est la majorité des couples qui se dirigent vers le couple nouveau. Alors, si on parle de l'homme nouveau, il n'y a pas beaucoup d'hommes nouveaux sur la planète. Il y a beaucoup d'hommes transitifs. Il y a beaucoup de femmes transitives. Et évidemment, il y a beaucoup de femmes anciennes et d'hommes anciens qui, à un moment donné, vont devenir transitifs. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas devenir du jour au lendemain, certains le peuvent, c'est extrêmement rare, d'une chose à une autre chose. L'homme passe par le processus illusoire de l'évolution où il se permet de se changer lentement pour ne pas trop se faire mal. Alors, c'est donc normal qu'on ait un homme, une femme et un couple transitif qui se permet, pour protéger son ego, c'est tout à fait écologiquement intelligent, pour ne pas trop, au moment donné, se perdre, il se permet de changer lentement, étape après étape, de façon à laisser à l'ego le temps de s'habituer à ce changement. On ne change pas rapidement, radicalement. On peut, c'est très rare. Alors donc, le couple transitif, c'est le couple qui comprend, qui veut avoir un enfant par affection pour combler les lacunes du couple, combler les lacunes émotives de chaque personne, mais qui comprend l'intelligence quand même d'avoir un enfant pour l'enfant. Alors, ils peuvent quand même agir émotivement, mais ils savent. Alors, évidemment, le couple transitif, comme l'homme transitif, ne se culpabilise pas de ne pas être parfait. S'il lui appelle ça parfait, il est ce qu'il est, mais il a le feeling, il comprend, il perçoit. Alors, il sait qu'il devrait, mais il ne l'exprime pas encore. Alors, je sais que je ne devrais pas souffrir parce qu'il se passe telle chose, mais présentement, je souffre. Tu vas voir un film, t'embarques dans le film, tu sais que c'est des acteurs, tu sais que c'est faux. Et à un moment donné, ben tu te surprends en train de pleurer, ou tu te surprends en train d'embarquer, là, tu veux qu'il bon. Tu sais que tu devrais pas, voyons, c'est juste un film. Mais t'embarques quand même, c'est pas grave. L'homme transitif découvre à un moment donné, tiens, c'est vrai, je devrais pas, mais ben, il en prend conscience. C'est tout à fait normal, hein? Avant de commencer à changer, il faut commencer à prendre conscience qu'il y aurait un changement à faire. Alors, l'homme ancien, lorsqu'il découvre qu'il y a un changement à faire, il se culpabilise de ne pas le faire. L'homme nouveau, l'homme transitif vers l'homme nouveau, alors il voit le changement, il en comprend l'intelligence, et puis il prend le temps d'arriver à l'exprimer. Alors, le couple transitif, c'est un couple tout à fait normal qui comprend à un moment donné qu'effectivement, les relations du couple sont des relations qui doivent continuellement être nourries. Alors, ça prend de l'énergie. Et cette énergie-là, au lieu de servir au couple pour qu'il puisse évoluer, elle sert au couple pour que le couple reste ensemble. Mais c'est pas grave. À un moment donné, comprenant, le couple transitif finit lentement par exprimer et puis ça va mieux. Tout d'un coup, tu fais une connerie, tu pars à rire, tu viens de la voir. Puis la vie devient de plus en plus drôle, de plus en plus facile, de plus en plus plaisant. L'homme va finir un jour par aimer la vie, pas parce qu'il a peur de la mort. Par aimer la vie, parce qu'il va trouver du plaisir à vivre. Et ça, c'est l'homme nouveau. Le couple nouveau, c'est la même chose. Une personne tantôt qui m'a demandé si, dans le couple nouveau, il est possible que les êtres soient séparés pour une longue période de temps, exemple 2 ans. Exemple, 2 ans ou 2 ans. Deux ans. Ah oui, effectivement. Maintenant, la séparation ne sera pas une séparation parce qu'on ne s'aime pas. Alors, on a un couple... D'ailleurs, regardez bien que tout le romantisme traditionnel, c'est l'expression colorée émotive de l'amour intelligent. Lorsqu'on a le couple... Qui s'aiment, c'est épouvantable. Et qui, à un moment donné, sont séparés par une guerre ou par un conflit de rang ou par un conflit de sexe ou n'importe quoi. Ah oui, va oui, je t'attendrai jusqu'à ton retour. Mais quand l'autre y revient, il ferait mieux de pas revenir, souvent. Alors, on essaie de représenter l'amour intelligent dans le contexte émotif. Et là, on dit, ça, c'est l'amour, l'amour extraordinaire. Le bonhomme, il est parti à la guerre 5 ans, puis quand il revient, sa femme est toujours là à l'attendre. On dit, c'est de l'utopie. C'est de l'amour intelligent, mais qu'on essaie de placer dans le plan émotif, parce qu'on ne comprend pas l'amour intelligent. Alors là, on fait un roman d'amour, puis là, tous ceux qui se séparent 2 jours, puis qui s'aiment plus, ben ils lisent ça, puis là, ils trippent là-dessus, puis là, c'était-tu le fun, puis j'aimerais ça, bon. On sait ce que ça donne. Alors, effectivement, l'amour intelligent fait qu'à un moment donné, on se sépare. Ben, alors, on s'ennuie pas. À quoi ça sert, s'ennuyer? Se donner l'impression qu'on aime l'autre, qu'on est attaché à l'autre, ça sert à rien de s'ennuyer. Comme j'expliquais à un moment donné lors d'une conférence sur les enfants, c'est tout à fait... Tu sais, tu rentres chez toi, tu fais un mois que t'es parti, tu rentres, tu demandes ton enfant, tu t'attends à ce qu'il te sorte des bras. T'es-tu ennuyé? Puis là, si l'enfant dit non, puis tu le mens pas. Pourrais-je partir plus longtemps? Normalement, l'enfant ne devrait pas s'ennuyer. Vous devriez éduquer. Ou vous allez faire à un moment donné, éduquer vos enfants de façon à ce qu'ils ne soient pas toujours malheureux quand vous n'êtes pas là. Hein? Pas parce qu'on lui donne un jouet, parce que lui, il ne s'ennuie pas. Alors, l'amour intelligent, ben oui, on se sépare. Alors, on se sépare et c'est tout. Puis à un moment donné, on revient puis on continue. On est content. On peut laisser certaines émotions s'exprimer quand on se rencontre. C'est pas négatif, c'est constructif. Mais les laisser s'exprimer tout le temps quand il y a une impossibilité de se rencontrer, rêver tous les nuits à ça, espérer que le bonhomme ou la bonne femme va arriver plus vite, attendre une lettre puis finir une carte postale ou quelque chose pour nous dire qu'il pense encore à nous autres, ben c'est là c'est cette expression-là émotive est complètement destructive. Tu t'occupes plus de tes enfants pendant ce temps-là, tu t'occupes plus de tes parents pendant ce temps-là, tu t'occupes plus de ton travail, tu t'occupes plus de toi, tu vis plus, tu es en stand-by en attendant que l'autre revienne. Puis si l'autre est intelligent, l'autre il s'ennuie pas, lui il fait ce qu'il a à faire là-bas. Puis quand il vient de dire ça, ben là ça te frise bien raide. Hey, il a pas été malheureux parce que j'étais pas avec lui. C'est ça. Ça c'est de l'ego, on se prend tellement au sérieux qu'à un moment donné, il faut que l'autre soit malheureux quand on n'est pas là parce que crime, hey, on est tellement important, sans nous autres, il peut pas vivre. C'est ça qu'on essaie d'ailleurs de créer chez le couple, qu'on essaie aussi de créer chez les enfants. Alors donc, évidemment, le couple nouveau peut se séparer éternellement. Merci. Mais je pense que la personne allait dans le deuxième sens que tu viens de parler, dans le sens qu'un des conjoints est obligé d'aller travailler à l'extérieur dans un autre pays. Qui a travaillé à l'extérieur. Une union, j'explique souvent, c'est un très bon, très belle image, que si on attache 2 oiseaux l'un à l'autre, même s'ils ont 4 ailes, ils ne peuvent plus voler. Alors, c'est la même chose pour un être humain, une femme, un homme. Attache-les ensemble, c'est fini. Mais 2 oiseaux peuvent voler de concert ensemble. Mais attache-les pas ensemble. Alors, c'est la même chose pour le couple. Alors, effectivement, la femme, elle est là, l'homme, il s'en va travailler, ou la femme va travailler à l'extérieur, ou pour quelque raison que ce soit, ça ne dérange rien. S'ils ont des raisons intelligentes de créer un contexte d'évolution, il n'y a aucun problème. Mais s'ils ont des raisons émotives, on sait ce que ça donne, la distance, puis on sait que l'homme oublie. La femme aussi, d'ailleurs. Alors, lorsque c'est un amour émotif, ben, séparé quelques années, à un moment donné, ça peut créer des conflits. Hein? On sait ce que les marins ont fait. Ils ont peuplé la Terre. Vous avez parlé qu'il y a des couples qui viennent au centre et qui progressent vers les couples nouveaux. Voulez-vous nous dire ce qu'ils font comme travail d'entraînement? Ah bon, je pensais qu'il voulait que je les nomme. Comme travail d'entraînement, j'ai aucune idée de ce qu'ils font chez eux. Ça les regarde. Non, les couples que moi je connais, ce sont des couples qui soit évoluent au niveau du PMC, programme et contrôleur. Alors évidemment, on est en contact avec eux régulièrement. Il y a d'autres couples qui viennent. Ces couples-là viennent aux conférences, sinon aux conférences spéciales données au PMC. Donc les couples que moi je connais, il y a évidemment d'autres couples qui évoluent ensemble, qui évoluent drôlement bien, que je ne connais pas, qui ne sont jamais présentés ici, puis qui évoluent très bien chez eux. Mais de ceux que moi je connais, ce sont des personnes qui font le programme et contrôleur. Et il y en a d'ailleurs qui se sont accouplés. Pas dans le sens biblique, mais dans le sens du couple, parce que, justement, ils se sont connus au niveau du PMC. Alors, au niveau du PMC, bon, alors, on a plusieurs sorties à l'extérieur, on a du travail à faire à l'intérieur, on a bien des choses, et les personnes, à un moment donné, aiment tout ça. Alors, évidemment, rencontrer quelqu'un au niveau d'un cours global que tu suis qui te plaît, ben, c'est plus facile. Alors, on a plusieurs personnes qui ont formé un couple au niveau de ce qu'on fait comme travail ici. Alors, leur entraînement, ben, c'est qu'ils vivent simplement leur propre vie individuelle, puis à un moment donné, ils se rendent compte qu'on vit la même vie individuellement. Alors, on va partager simplement les efforts ensemble pour aller plus rapidement, et ça marche. Mais c'est pas nécessairement par amour. Il y en a qui viennent ici à un moment donné parce qu'ils veulent rencontrer une fille ou rencontrer un gars, mais surtout pour rencontrer une fille. Ben, c'est des hommes qui viennent pour rencontrer des filles. Parce que c'est sûr que si tu vas rencontrer quelqu'un dans une taverne, ben tu vas aller rencontrer du monde qui boive. Hein? Bon, alors ceux qui viennent ici, ben ils sont un peu plus certains, disons, de la classe de personnes qui viennent. Ça n'empêche pas de boire, mais c'est un peu mieux. Et puis, ben ça marche pas. Parce que les filles qui sont ici, tu peux pas les croiser longtemps. Puis les hommes qui sont ici, ben qui sont ici sérieusement, non plus, les filles, ils les croisent pas longtemps. Parce que, Christy, ils font juste parler d'évolution. À un moment donné, c'est plate en tabarnouche. Ils parlent de quelque chose de sérieux. Mais à un moment donné, ben, tu croises pas, l'autre croise pas, puis tu viens souvent, puis tu viens souvent, puis il y a des affinités vibratoires. Hein? Vous savez que le corps physique, par vibration, aime. Le corps vital, par vibration, aime. Le corps astral, si on le sait, sa psychologie, par vibration, il aime. Et le corps mental aussi. Quand les quatre plans aiment les quatre plans, c'est inséparable. Dans l'Antiquité, on disait Dieu les unit, mais c'est l'amour total, c'est l'aimantation, c'est la vibration. C'est pas l'homme sœur, ça c'est une vraie farce, c'est une connerie. Mais non, c'est un homme complet qui, sur tous les plans, attire et est attiré par une femme sur tous les plans. Tandis que normalement, c'est le plan psychologique qui va dominer au niveau de la relation, chez la femme, et même aussi chez l'homme. Même si c'est au niveau sexuel qu'il va l'exprimer. Alors, ce qui fait que, quel est l'entraînement de ces couples, ben, ça dépend de ce qu'ils font. Mais ceux que moi je connais, c'est parce qu'ils font le PMC. Simplement. Dans le même sens, ici, est-ce que les cours d'arts martiaux que vous donnez au centre peuvent favoriser une meilleure entente de couple et une individualité plus sécurisante? Ça réduit la longueur des chicanes, en tout cas. Et une individualité plus sécurisant psychologiquement et physiquement. Physiquement, c'est comme tu répondais. Quelle est la signification de l'art D'EIM? Bon, alors, les cours d'arts martiaux qu'on donne au centre, on n'en donne plus. Bon. C'est vrai, le problème. C'est-à-dire qu'on donne la même technique, on donne les mêmes choses, mais on a changé les noms parce que la majorité des personnes n'arrivaient pas à comprendre. Alors, anciennement, cela s'appelait l'Ukikaido. Présentement, c'est l'art d'EM. EIM, qui veut dire expression de l'intelligence en mouvement. ça n'a jamais été un art de combat, sauf un combat envers celui qui pratiquait et lui-même. Mais vu qu'on met le terme art de combat, on pense toujours aux arts de cassage de gueule ou aux sports de cassage de gueule qu'on a un peu partout sur la planète, où l'homme apprend à se battre sur l'autre, à tapocher l'autre, et après ça, à se dire qu'il travaille pour lui. Parce que c'est toujours philosophiquement qu'on travaille l'art martial correctement, mais pratiquement, c'est de la vraie foutaise. Alors, ce qui fait que la technique que nous enseignons au centre, qui est une technique tout à fait nouvelle, qui n'est pas un amalgame des autres arts, qui est une technique d'éducation pour que la personne apprenne à se connaître, à se connaître au niveau physique, à se connaître au niveau vital et au niveau psychologique. C'est un système d'éducation. Ce n'est pas un art de combat. Alors, évidemment, c'est comme si vous apprenez un jour à faire de la boucherie. Alors, vous dépecez des animaux, vous coupez la viande et vous vendez ça chez Stamberg. Bon, vous avez appris ça pour vivre. Mais si quelqu'un vous attaque un jour, vous tenez votre gros couteau de boucherie dans les mains, c'est nécessaire qu'on vous montre comment vous en servir? Non. Alors, est-ce que, quand on me demande souvent, oui, mais quand même, ce que vous montrez, si on se fait attaquer, on peut s'en servir? Ah oui, mais le gars qui apprend à taper des coups avec un marteau, s'il se fait attaquer, oui, il va être capable de s'en servir lui aussi. C'est pas une technique de combat, taper des planter des coups dans un mur. C'est pas une technique de combat non plus, travailler dans le bois comme bûcheron avec une scie mécanique ou avec une hache, mais si un jour un autre attaque, tu sauras quoi faire avec ta hache, hein? Alors, c'est pas une technique de combat que la personne apprend. C'est un métier. Alors, l'art d'aime, l'expression de l'intelligence en mouvement, qui est un art directement adapté à l'homme nouveau, à l'enfant nouveau, puis à la femme nouvelle, ce n'est pas une technique de combat, en ce sens que ce n'est pas une technique pour apprendre à maîtriser autrui. C'est une technique, c'est un art qui est exclusivement éducatif pour que la personne apprenne à se connaître elle. Si un jour elle se fait attaquer, ben c'est comme n'importe quoi d'autre, elle saura s'en servir. Si elle ne sait pas s'en servir, ben tant pis, elle se fait attaquer et ça finira là. Bon, ça ne change rien. Ce n'est pas un art de combat. Maintenant, la différence avec l'art d'aime des autres structures d'éducation pour apprendre à nous connaître, c'est que l'art d'aime enseigne à la personne l'adaptation. L'adaptation non pas à un événement particulier, mais une adaptation sans cesse, continuelle. Ce que nous pouvons appeler une renaissance sans arrêt, continuelle, perpétuelle. Alors, au lieu de vous adapter, puis là, bon, ça y est, là, je suis adapté, là, ça va, là. Non, l'art d'aime enseigne à la personne à s'adapter au millième de seconde. Et pour ce faire, rien de mieux que d'apprendre à s'adapter en touchant à la vie. Alors, si on a, par exemple, un entraînement au tennis, lorsque la balle s'en vient vers vous, seul le vent peut la changer ou un peu d'effet dedans, mais c'est calculable. Alors, la personne connaît son corps, la personne connaît sa psychologie, elle apprend des choses. Au niveau de l'art d'aime, c'est que la majorité des pratiques se font avec un être humain. Et l'être humain change son expression énergétique, sa démarche, son poids, son équilibre, son mouvement de décision. Elle change tout inlassablement. Pourquoi? Parce qu'elle est vivante. Et à un système d'éducation qui travaille, qui met deux êtres humains en collaboration pour travailler, c'est un système d'éducation qui, de toute façon, privilégie le travail ensemble, mais un travail individuel, parce que chaque chose que tu fais t'amène un résultat qui est relié à ce que tu as fait. Et elle oblige automatiquement le pratiquant à s'adapter continuellement à un mécanisme vivant, l'autre. Alors, ce n'est pas une technique de combat, c'est un système d'éducation. Alors, c'est ça l'art d'aime. Alors, c'est ça qu'on a fait ici. La parole est d'or. Pourtant, il faut se taire pour ne pas instruire l'astral. Comment concilier ces deux phrases? Lorsque l'on parle, on apprend des choses. Et la parole, au niveau de l'air du Verseau, elle est d'or pour cette raison. C'est-à-dire que parlant, on s'instruit. Mais à un moment donné, on doit faire attention pour ne pas parler pour le plaisir de s'entendre, ce qui est l'ego. Et lorsqu'on veut parler pour instruire notre ego, c'est notre astral qu'on instruit. Donc, c'est aussi l'astral collectif. Alors, continuellement, l'homme doit faire attention, la femme doit faire attention, entre le mécanisme intelligent de parler. Présentement, je parle parce que c'est intelligent de parler. Évidemment, je fais une conférence. Mais lorsque je parle, je rencontre n'importe qui, que je parle, que je dilapide n'importe quoi, quand ce n'est même pas important. Prenons, par exemple, parler du Pérou. Parce que c'est évident qu'on a vécu des choses intéressantes. C'est évident aussi que plusieurs personnes aimeraient en entendre parler et attendent un peu qu'on en parle. Mais c'est, si moi j'en parlerais alors que je sais que ce n'est pas le temps, ce serait une parole donnée, contrôlée par mon ego. Le plaisir de faire plaisir, ou le plaisir de ne pas frustrer des personnes qui seraient venues pour en entendre parler, le plaisir de ressasser en moi ce que j'ai vécu, mémoriellement, donc c'est de l'ego. Alors juste ça, c'est suffisant pour me faire taire. Alors concilier, c'est facile, c'est de cette façon. Le silence était d'or au niveau de l'homme ancien, et la parole était d'argent. La parole au niveau de l'homme nouveau, la parole est d'or. Mais l'homme sait quand sortir son or et quand ne pas la sortir. En importance, elle est d'or parce que l'homme va apprendre de par lui-même lorsqu'il va être capable de répondre à ses questions. Pour ça, il faut qu'il parle. Mais évidemment, il est capable de discerner quand l'ego veut l'entendre parler pour le plaisir de s'énergiser et quand il a de quoi dire. C'est pas facile à concilier. Est-ce que dans le couple nouveau, il va y avoir encore des réserves? Je suppose des parties qu'on ne se dit pas ou des coins obscurs? Bon, ça ferait plaisir à l'homme ancien, évidemment, que dans le couple nouveau, il y ait encore des réserves ou des points obscurs. Parce que n'ayant pas totalement confiance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir confiance non plus, mais ne connaissant pas complètement l'autre comme il est, alors on veut toujours se garder quelques armes de bataille, à un moment donné. L'homme nouveau n'aura pas de cachette. Pour la simple raison que l'homme nouveau, l'homme transitif, évidemment, va encore garder certaines réserves, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il n'osera pas dire parce qu'il aura peur de vexer son partenaire. Sachez que la majorité des réserves que nous accumulons à la longue chez nous sont accumulées parce qu'on n'ose pas les dire, de peur de vexer, de peur de frustrer, de peur de ne pas être compris par l'autre. Alors évidemment, on construit notre tombe pour faire plaisir à l'autre. Mais le résultat n'est pas ce que nous recherchons. Alors l'homme nouveau a la propriété d'avoir automatiquement une réponse à une question qu'il se pose. Moi, je ne sais pas tout tant qu'on ne m'a pas posé la question. Et l'homme nouveau a les mêmes facultés. Il ne sait pas tout. Mais posez-lui la question et il aura la réponse. Mais tant qu'on ne lui pose pas la question, il ne sait pas. Je peux moi-même me poser des questions. Je le fais rarement. Je le fais rarement, pourquoi? Parce que d'ici quelques années, je pourrais m'amuser à le faire. Présentement, je ne le fais pas trop pour la simple raison que l'ego veut poser beaucoup de questions aussi pour s'instruire. Alors lui, je laisse faire. De ce fait, je dois être obligé d'être conférencier. Alors je parle. Et parce que on me pose des questions, ça me permet de savoir. Je suis ici pour la même raison que vous. Et l'homme nouveau, lorsqu'il veut savoir quelque chose sur sa femme, ben il le sait. Et lorsque sa femme veut savoir quelque chose sur lui, ben elle le sait. Alors, on n'a pas besoin de... Caché. Moi, je suis comme je suis, et plus vite tu vas savoir comment je suis et qui je suis, ben mieux ça va être. Alors, si un couple nouveau s'unit, ils se connaissent comme ils sont. Alors, à un moment donné, ils ne diront pas « Oui, mais je ne pensais pas, puis bon, etc. » Ils ne se sépareront pas. Ils se connaissent comme ils sont. Et chaque fois que l'un change, l'autre le sait. Le problème de l'homme ancien, c'est qu'il change, il change, il change, il change, il change, d'un coup, boum! On découvre. Alors, il n'y aura pas de cachette, il n'y aura pas non plus de désir de cacher. Ça ne pourra pas se faire, et ça sera stupide de le faire. Vous restez avec quelqu'un, vous avez un enfant, votre enfant rentre, par exemple, et il a un problème. Mais il n'arrive pas à vous le communiquer. Ça n'arrange pas personne. Ça n'arrange pas l'enfant, ça n'arrange pas les parents. Puis à un moment donné, l'enfant va le communiquer d'une façon tout croche, d'une façon énergétiquement compréhensible, mais pas dans la gestuelle et pas dans la parole. Alors les parents ne comprennent plus pas tout. Et moins les parents comprennent, plus l'enfant s'éloigne, plus l'enfant cache. Et à un moment donné, les parents n'arrivent pas à communiquer, les parents commencent à cacher. Alors c'est beaucoup plus facile lorsque l'enfant rentre, tu le regardes et tu sais ce qu'il y a. Et si lui n'est pas dans une énergie de te le dire, toi tu le sais. Alors toi tu t'ajustes et tu vas lui parler. C'est beaucoup plus facile. Alors si moi je rentre et j'ai un problème, c'est que je fais une rechute d'homancien. Et ma femme le voit, alors elle vient me parler. Alors au fur et à mesure que nous évoluons ensemble, que nous vivons dans ce contexte d'évolution, évidemment il n'y a aucun problème. Il ne peut pas avoir de problème. Et si un jour nous vivons dans un village où il n'y a que des hommes nouveaux, ben, c'est le même mécanisme qui sort. Tout le monde te parle. Tu vois tout le monde te voit, tu vois tes enfants, tout le monde voit tout le monde. Et c'est la simplicité même au niveau de l'évolution. Aujourd'hui, on cache, on cache, on cache, pour la simple raison que si je te donne trop, puis que moi je ne sais pas ce que tu as, tout ce que je donne me revient sur le visage. Alors, vu que je ne sais pas comment tu es, je ne peux pas t'en retourner, moi aussi. Alors, on se tait. Alors, le nouveau, ce n'est pas l'ego, hein, ce n'est pas votre ego qui, à un moment donné, va connaître l'autre. C'est l'ego qui veut connaître l'autre. L'ego ne peut pas le connaître, l'autre. Assez que l'ego se crée une image de l'autre. Mais à un moment donné, c'est votre énergie mentale, c'est votre esprit, c'est vous qui allez savoir comment l'autre est, pas votre phénomène psychologique, qui veut savoir, qui veut têter, qui veut puiser, qui veut posséder l'autre. Mais à un moment donné, vous allez savoir comment est l'autre. Et ça ne vous fera rien. Parce que ça ne sera pas votre ego. Comme tous ceux qui veulent voir l'aura à un moment donné pour pouvoir savoir qui c'est qui compte des mentries, puis qui c'est qui fait ci, puis qui c'est qui fait ça, puis vas-tu me voler, bon. Ça, c'est l'ego qui veut savoir ça. Et l'ego ne peut pas arriver à le savoir parce que l'ego colore tout. Alors un jour, il y avait un voisin qui cherchait sa hache. Et puis, il ne trouvait plus sa hache. Il était sûr qu'il avait laissé sa hache sur une bûche dehors, pas loin. Il ne trouvait plus sa hache. Alors, il regarde un peu autour de lui, puis là, il voit le fils du voisin sortir. Donc, puis, il avait tout la face d'un voleur de hache. Il y avait les agissements d'un gars qui a commis un vol. Sa démarche dénotait le voleur de hache. Puis toi, pendant une semaine, il l'a observé, puis c'était évident. C'était lui. Puis un jour, inopinément, il a trouvé sa hache enfouie sur un tas de bûches dans sa cour. Puis là, il a regardé le fils du voisin, puis il n'y a plus rien d'un voleur de hache. Non, il n'y a plus rien d'un voleur de hache. L'homme égoïque qui essaie de connaître connaît comme ça. Mais à un moment donné, l'homme nouveau, l'homme mental, l'homme intelligent, l'homme conséquentiel, ben quand il observe, il voit énergétiquement comment est l'autre. Et non pas comment lui, par l'intermédiaire de son filtre psychologique, aimerait le voir. Alors l'homme nouveau, la femme nouvelle, le couple nouveau ne se cache plus et l'enfant est aussi libre. Pour la simple raison que je ne veux pas connaître, je connais. Je ne veux pas savoir, je sais. Alors, lorsque tu rentres et tu as commis un mauvais coup, disons, l'enfant vient de briser volontairement trois vitres patio chez le voisin, mais lorsqu'il rentre, tu le sais. Il lui sait que tu le sais. Et toi, sachant, tu comprends. Et lui, sachant ce que tu sais, est connecté à toi. Et il sait que tu comprends. Et comprenant, tu lui expliques. Même sans avoir à parler, il lui sait. Il sait, il ne fera plus. C'est clair, c'est réglé, c'est fini, on n'en parle même pas. Alors, l'ego oublie l'expérience et on continue. C'est pas ça qui arrive chez l'homme ancien. Il n'oublie pas. Il renote. Un jour, quand j'étais petit, j'ai fait une chose que ma mère n'a pas appréciée. Et à un moment donné, c'était important pour moi de savoir s'il me pardonnait. Aujourd'hui, c'est plus important. Alors, je vais la voir et puis je lui demande, bon oui, mais est-ce que tu me pardonnes? Elle dit, oui, je te pardonne. Et au souper, ben là, compte ça à mon père qui vient d'arriver. Fait que là, moi, je lui demande, ben oui, mais... Puis elle m'en parlait, oui, non, elle me dit, oui, je t'ai pardonné. Puis là, le historieux, il a fait ci, puis il a fait ça, puis il a fait ça. Fait que là, j'ai découvert que l'homme, il fallait pas qu'il pardonne. Il fallait qu'il oublie qu'il a pardonné. Parce que sinon, c'est quoi le pardon, si ça rappelle, qu'il a pardonné? Il n'a jamais pardonné. Ouais, je te pardonne ce coup-là, mais recommence plus jamais. Puis deux ans après, tu recommences. Ah, ben, tu l'avais jamais oublié. Tu n'as jamais pardonné. Alors, à un moment donné, c'est pour ça que c'est plus nécessaire, parce que là, comme pardonne ou non, l'homme ne pardonne pas. quand t'oublies, t'as pardonné. L'enfant, il rentre, il commet une bévue, tu le regardes, c'est réglé, c'est expliqué, c'est tout, maintenant on passe. Si on passe pas, on le cristallise dedans des conneries qu'il a faites dans le passé et on essaie de lui dire qu'il a été comme ça, donc qu'il est comme ça. Et on lui nuit. Et c'est la même chose pour l'homme et la femme nouvelle, ou nouveau. Lorsqu'ils se parlent, lorsqu'ils font des choses, là, faites donc n'importe quoi. Puis lorsque vous comprenez que c'était absurde, vous le ferez plus. Est-ce que c'est nécessaire que je m'en rappelle que vous l'avez fait, puis que je vous check après pour savoir si vous changez? Si vous ne changez pas, c'est que vous n'avez pas compris. C'est votre job à vous de comprendre, pas la mienne à moi, de faire en sorte que vous compreniez. C'est à vous. Puis à un moment donné, vous avez l'énergie libre. Vous n'êtes pas pogné par tout le monde qui essaye de vous étouffer pour vous transformer en apparence d'homme nouveau, ou en apparence d'homme civilisé, ou en apparence d'être poli, qui ne comprend pas la politesse, qui dit bonjour, monsieur le curé, parce qu'il n'a pas mangé une claque, qui dit merci. C'est amusant, ça, à un moment donné, parce que tout le monde se dit merci, à un moment donné. Hein? C'est original. Le garagiste, merci, merci, merci, merci, merci. Tout le monde se dit merci. C'est frustrant, parce qu'à un moment donné, moi, je m'en vais dans un endroit et je me fais servir, alors je dis merci, mais l'autre, il me dit merci avec. Fait, je dis, ah bon, ben, de rien. Puis, c'est un année presque frustré. Qui se prend, de rien. C'est bon, c'est moi qui le sers. Ouais, mais qu'ils me disent pas merci. Alors, on a un semblant inintelligent d'hommes polis, de femmes polis, d'enfants bien élevés, mais qui comprennent rien ce qui se passe. Alors, continuellement, donc, l'enfant, la femme, vous faites ce que vous voulez, puis à un moment donné, moi, je comprends ce qui se passe, et si tu veux qu'on en parle, on en parle. Je parle de la vision intelligente de que j'ai de l'événement, et toi, tu parles de ta vision intelligente que tu as de l'événement, et peut-être que, bon, énergétiquement, on va s'équilibrer, peut-être que non, et si on s'équilibre pas, tant pis, le temps va nous équilibrer. On n'en parle plus, c'est fini. Puis pas qu'on se force à l'oublier, non, l'homme nouveau ne l'oublie, il n'en parle plus, c'est pas important. Ce que vous avez fait, ça n'a aucune importance pour moi. Que vous ayez été voleur, qu'un jour vous allez parler contre moi ou que demain vous allez parler contre moi, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que présentement, on fait quelque chose. Et donc, le couple nouveau va hier, et puis la semaine dernière, puis ça fait un mois que... Bon, change quoi? Ça fait 20 fois que quand tu rentres, tu claques la porte, tu me réveilles, tu sautes de même, puis comme je bouge en dormant, je ne retombe jamais dans le lit. Puis après, parce que vous accumulez tous ces phénomènes-là, à un moment donné, vous avez l'impression que ça fait 20 fois de fil, vient vous faire. Là, vous criez. Vous devenez impatient. Mais l'homme nouveau ne devient pas impatient parce que chaque jour, chaque seconde, chaque millième de seconde est neuf. Alors, on n'est jamais impatient. L'enfant recommence, recommence, recommence, recommence. On lui explique, il recommence, on lui explique, il recommence. On continue. Puis à un moment donné, on lui explique, il ne recommence plus. Voilà, c'est réglé. Mais l'homme ancien, non, il recommence, il explique, il recommence, il explique, il recommence, il explique, puis il crie après, il recommence, il explique, puis toutes les gueules après, il recommence, il explique, puis il gueule, puis il tape dessus. Et là, l'enfant, il ne comprend plus, là. Puis quand l'enfant a l'énergie de comprendre, tu n'as plus l'énergie d'expliquer. Ça, parce que tu es impatient. Alors, à un moment donné, l'homme nouveau devient, il n'est plus impatient. Impatient, il s'en fout. Alors, il explique, il recommence, il explique, il recommence, il explique, il recommence. À un moment donné, il explique, il recommence, puis c'est réglé. On continue. Alors, donc, le couple nouveau, c'est le même phénomène. La femme, le mari, bon, ben oui, mais ils se comprennent, mais il n'y a rien là. Vous faites toujours, pensez-y, à un moment donné, vous faites toujours le mieux que vous pouvez faire. Puis il y a des journées que, ben, là, vous ramassez un morceau de gazo plus gros, vous l'engouffrez. Mais cette journée-là, vous pouviez pas faire autrement. Alors, vous avez quand même fait le maximum qu'énergétiquement vous pouviez faire. Et c'est la même chose pour tout le monde. Alors, on ne peut pas leur gueuler après, on ne peut pas le maudire, on ne peut pas les haïr. On peut leur expliquer. On leur explique qu'ils ne comprennent pas, c'est tout. On parle, c'est tout. On ne pousse pas plus. On ne peut pas leur donner de l'énergie qu'ils n'ont pas. Alors, on attend. Puis, à un moment donné, ben, ils vont avoir l'énergie de comprendre. D'un coup, ils vont dire, ouais, c'est vrai, c'est tout. Ben oui, c'est ça, c'est vrai. Bon, maintenant, c'est fait. Continue. Vous êtes comme ça, vous faites le mieux. Et tout le monde fait le mieux. À partir de concepts, de foutus concepts psychologiques, on s'imagine qu'on devrait faire de même. On peut pas. Si on pouvait faire de même, on n'aurait pas le concept qu'il faut le faire, hein, on le ferait. Alors si on a le concept qu'il faut aimer comme ça, puis qu'on le fait pas, c'est parce qu'on peut pas. Puis si on a le concept qu'il faudrait faire telle chose, faire telle chose, faire telle chose, puis qu'on le fait pas, c'est qu'on peut pas. On a le feeling, on le perçoit inconsciemment, puis on en crée un concept, c'est un leitmotiv, c'est un but. Qu'on en fasse une religion, une philosophie ou n'importe quoi, c'est un but. Mais on peut pas. Puis à un moment donné, vous dépassez le but, puis vous en faites un autre. Mais vous faites continuellement ce que vous pouvez faire de mieux. Continuellement. Le lendemain, vous vous dites, ah, mais là, j'aurais pu faire mieux que ça hier. Non, la preuve, vous ne l'avez pas faite. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire mieux. C'est pour ça que vous voyez que hier, c'était moins bon. Puis aujourd'hui, vous pouvez faire mieux, faites-le mieux. Puis demain, vous allez peut-être encore critiquer, peut-être que non. Mais l'homme fait toujours le mieux qu'il peut faire. Les hommes de bonne volonté, là, c'est juste ça que c'est la planète. Ils sont tous de bonne volonté. Mais parce qu'on a une morale, puis on a un concept haut qui dit que l'homme de bonne volonté ou que celui qui veut réellement doit arriver là. Moi, la majorité des personnes qui commencent le PMC ou qui font le séminaire me demandent toujours, mais comment qu'ils font pour comprendre ça? Ils veulent pas comprendre. Ça vous est-il arrivé de pas vouloir comprendre? Pour pas vouloir comprendre, il faut que vous compreniez. Puis après ça, vous dites, vous faites comme si vous ne voulez pas comprendre. Mais vous ne pouvez pas vous pas vouloir comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre ou vous comprenez. Mais vous ne pouvez pas décider que vous ne voulez pas comprendre. Hein? Montrez-moi un être humain sur la planète qui fait ça, il n'a pas. Mais la question, mais comment ils font pour comprendre ça? C'est tellement clair. Attends un peu, je peux t'en dire des choses que tu ne comprendras pas et tu ne verras pas. Puis dans 2 ans, tu vas voir ça clair. C'est normal. C'est une question d'énergie, une question de conscience. Le temps fait qu'à un moment donné, tu comprends et antérieurement, tu ne comprenais pas. Ben c'est normal. Alors, quand tu vis avec quelqu'un dans un couple, le couple nouveau, que la femme, que l'homme fasse n'importe quoi, c'est normal. Et elle fait son possible. Fait qu'arrête de l'écœurer avec tout ce qu'elle pourrait faire de mieux, elle ne peut pas. L'enfant, c'est pareil. L'enfant fait son possible. Mais on essaie de le mettre dans un contexte d'impossible, d'un contexte où ce qui devrait se pousser encore plus, se brûler, un peu sur la compétition, pour arriver à faire des choses qu'il ne peut pas faire. À un moment donné, il va avoir l'intelligence. Puis la meilleure manière d'énergiser quelqu'un, c'est de lui expliquer le principe d'intelligent de faire quelque chose. Pas intelligent de manger avec ses mains. Ça ne goûte plus rien. C'est moi aussi ma meilleure au goût quand on le goûte avec les mains. Demandez à n'importe quel enfant ou à n'importe quel homme incivilisé qui mange avec ses mains, il va vous le dire. Puis il est capable, en touchant, de savoir si c'est comestible ou non. Mais nous autres, il faut lire le pot, hein? Faut lire ce qui est écrit dessus pour savoir. S'ils ne disent pas, ben non, on les blâme, on chale après eux autres. C'est pas intelligent. Sauf qu'à un moment donné, ben, c'est plus propre. À un moment donné, si tu habillé propre, tu manges avec tes mains, tu es sur toi, ben là, il y a un problème. Bon, mais l'enfant, on peut lui expliquer. Puis tant qu'il ne comprend pas, à un moment donné, il va comprendre. C'est pas un tapant ses mains. J'ai plusieurs de mes amis, moi, qui ont commencé à manger de la main gauche. Il a une main gauche tout enflée, il mange la main droite. C'est ridicule. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans. L'intelligence, c'est qu'un jour de la gauche, un jour de la droite, un jour de la gauche, un jour de la droite. Tu deviens ambidex, tu joues ping-pong avec 2 raquettes, tu gagnes tout le monde. Ça, c'est intelligent. C'est bien mieux que d'être limité seulement sur un côté du corps. L'éducation d'adulte, le couple, ce genre, on parle de phénomène intelligent, c'est tout. Mais tu demandes jamais à quelqu'un, ouais, trouves-tu ça brillant ce que tu as fait? Mais non, s'il l'a fait, c'est qu'il trouvait ça brillant quand il l'a fait. Maintenant, il trouve peut-être pas ça brillant, mais ça sert à rien de lui demander. On veut juste le culpabiliser. Alors, le couple nouveau, il n'y a plus de cachette, il n'y a plus rien. Il veut dire, c'est clair comme. On dit de l'eau de roche, mais plus clair que ça encore. Pour l'enfant, c'est le même phénomène. On ne cache plus. C'est stupide. Pourquoi l'ego semble disparaître à un moment donné? Je ne crois plus au ciel, mais je continue à me faire manipuler. Ah, je ne crois plus au ciel, c'est entre parenthèses. Ciel, d'ailleurs, est entre guillemets, disons que... Bon. Pourquoi, lorsque l'ego semble disparaître à un moment donné, on continue à se faire manipuler? Bon, je pense que c'est une question, d'ailleurs, qui touche plusieurs personnes. À un moment donné, on a l'impression qu'on comprend des mécanismes qu'on n'a plus trop d'ego, qu'on se prend plus au sérieux. Alors, on peut apprendre sur soi. Parce qu'on ne peut pas apprendre sur soi tant qu'on se prend au sérieux. Et on peut apprendre sur soi, mais ça ne fonctionne pas encore. Mais sachez ceci. L'énergie de l'homme, l'énergie planétaire de l'homme a commencé dans un magma de matière cristallisé par l'énergie vitale, la vie. L'énergie vitale, elle existe dans la matière solide, mais elle n'est pas suffisamment évoluée pour l'animer. Mais elle retient la mémoire de la forme. C'est ce qui retient les molécules des atomes et les constituants des protons, des neutrons et des atomes ensemble. À un moment donné, l'énergie supérieure, bon, va descendre et elle va pouvoir se reposer sur l'homme évoluant, l'homme, la matière physique. Et elle va créer un contexte psychologique, le corps astral, l'âme, et elle va créer ce mécanisme sur l'homme. La même énergie qui continue à descendre chez l'homme va être copiée, captée par l'âme de l'homme, et elle n'aura pas besoin de descendre sur la matière, elle va être capable de s'arrêter sur l'âme de l'homme pour constituer le corps mental de l'homme. L'énergie supramentale, descendant chez l'homme, n'a pas besoin, elle non plus, d'aller expérimenter la matière. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà l'homme. Donc, elle s'arrête chez l'homme, sur l'énergie mentale de l'homme, et constitue le corps supramental de l'homme. Et ça va jusqu'à l'énergie divine. Lorsque l'ego commence à être instruit par l'énergie supramentale, ajusté par l'ajusteur de pensée au niveau du mental, une partie de l'ego va être désintégré pour être transmué en énergie supramentale de façon à créer un nouveau corps. Le corps d'ailleurs que le Nazaréen s'est créé à la fin, un corps de lumière, un corps éthérique, un corps supramental. Alors ce qui va arriver, il va arriver ceci. L'ego de l'homme, ce que vous voyez le plus, ce qui vous permet de voir des choses, ce qui vous permet aussi de vous faire charrier, c'est l'ego le plus évolué chez vous, ce qu'on appelle l'âme spirituelle. Parce que l'homme a aussi un âme animale, un ego plus animal, qui de temps en temps prend le dessus et amène l'homme à une violence inouïe. Et celui qui veut évoluer, c'est l'ego spirituel, donc l'âme spirituelle. La première chose qui va être démolie chez l'âme, chez l'ego, c'est évidemment ce qui est le plus haut en vibration, ce qui veut évoluer. Alors, la partie la plus évoluée chez l'homme va lentement être transmuée en énergie supramentale de façon à créer un corps supramental, ce qui fait que tout ce qui vous permettait d'évoluer, ce qui vous permettait de voir comment vous étiez, ça disparaît en premier. Et qu'est-ce qui reste chez l'homme? Il reste l'âme animale, l'ego animal. Et l'homme qui a une conscience évolutive, l'homme qui, à un moment donné, a un état de conscience particulier, donc l'homme transitif ou l'homme nouveau, est capable d'accepter qu'on lui dise qu'il est. Ça ne le touche plus. Il est capable d'accepter bien des choses, mais à un moment donné, il est malade physiquement. Le système digestif, ça ne fonctionne plus. Il se met à fumer. Il veut arrêter de fumer, mais ça ne marche pas. Il rentre quelque part, il est en maudit, puis il sait pas pourquoi, mais il veut pas, mais c'est là, il sent son corps physique, là, comme s'il était stressé. Il est même stressé physiquement, mais il l'est pas psychologiquement. Il a l'impression qu'il est stressé, puis il cherche pourquoi, qu'est-ce qui pourrait me rendre nerveux, puis il trouve rien. La partie égoïque animale chez lui, qui maintenant est en train d'entrer en contact avec l'énergie supramentale, c'est-à-dire l'esprit même de l'homme, lutte, résiste, pousse. Et la seule façon qu'elle peut s'exprimer, vu que ce n'est plus par la parole nécessairement, parce que le mental prend le dessus, c'est par le corps physique, par le système endocrinien. Alors la personne, elle pense qu'elle n'a plus d'ego, parce que l'ego que le mental pouvait voir avant, l'ego spirituel, n'existe plus. Il est maintenant supramentalisé. Et le mental n'a pas la possibilité de voir l'ego animal, parce qu'il est trop bas en vibration. Par contre, cet ego animal s'exprimant dans le corps, dans le système endocrinien, permet au mental de voir une réaction, de voir une impatience biologique, de voir une fatigue, j'arrive plus à dormir. Ça finit par écœurer le mental. Et il ne voit pas pourquoi. Parce que l'ego spirituel qui lui permettait avant de s'observer n'existe plus à un moment donné. Il a été supramentalisé, c'est-à-dire qu'il a été augmenté en énergie, il a été évolué. Et la partie la plus inférieure, qui va être évoluée aussi, mais qui résiste le plus et qui s'exprime par le corps physique et par différents mécanismes événementiels, finit par taper sur les nerfs. Alors la personne, elle a l'impression qu'elle n'a plus d'ego, elle n'a plus d'ego spirituel, elle n'a plus de cet ego snob. Par contre, elle a encore un ego qui est génétiquement transmis, un ego qui est plus animal, un ego qui est plus bas en vibration, qui lui aussi est en train de se faire évoluer. Mais évidemment, le temps où cela va durer, elle a des symptômes biologiques, elle a des mécanismes qu'elle ne comprend pas, elle fouille en elle et elle ne voit pas de raison. Le mental qui observe ne peut pas observer plus bas que l'ego spirituel, alors il ne voit pas la cause. Alors, c'est simplement pour ça que ça se passe comme ça. Et ça, beaucoup, beaucoup de personnes vivent ce phénomène évolutif. Une question aussi. Est-ce que c'est vrai, Daniel, qu'on rencontre des personnes que c'est vrai. Dans le couple qui sont là pour nous déprogrammer, disons? Est-ce que je... L'initiation par le couple. Ouais. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on rencontre une personne qui est là spécialement pour nous déboler? Pour nous débattre, pour nous faire évoluer? Ouais, OK, plutôt dans ce sens. Non. Puis oui. Je sais que c'est vrai. Tout est vrai, tout est faux, alors. Hein. Non. Un couple qui est uni ensemble pour des raisons émotives, par exemple, a toujours à apprendre l'un de l'autre de façon à évoluer. Il n'y a pas un seul foutu couple sur la planète qui existe où il y en a un qui est là exclusivement pour empêcher l'autre d'évoluer. Souvent, ça va donner cette impression-là parce que tu te laisses manipuler par l'autre. Mais tu as à apprendre à te libérer de l'autre. Alors, tu restes avec ta femme, tu restes avec ton mari et il ne te fait plus évoluer, c'est-à-dire que tu n'as plus l'impression qu'il te détruit. Tu as l'impression plutôt, à un moment donné, qu'il t'apprend. Alors, évidemment, un couple ancien, un homme ancien, une femme ancienne, peuvent penser à un moment donné, même lorsqu'ils veulent évoluer. On a beaucoup de, comme tout à l'heure, je disais, de femmes qui viennent ici et leur mari les attend avec un bat à la maison. Et on a beaucoup d'hommes qui viennent ici et leurs femmes les attendent avec le rouleau à pâte. Et la femme peut dire, oui, mais peut-être faudrait que je divorce, que je me sépare. Mon mari, il comprend rien puis il m'empêche d'évoluer. Non, c'est pas vrai. Votre mari ne vous empêche pas d'évoluer, votre femme ne vous empêche pas d'évoluer, vos enfants ne vous empêchent pas d'évoluer, c'est vous qui vous assujettissez à leur réaction, puis après ça, vous mettez la faute sur leur dos. C'est pas vrai. Alors, il y a aucun... Toutes les couples unis et toutes les familles unies s'enseignent mutuellement des choses. À quoi sert la souffrance? Est-ce que la souffrance empêche l'homme d'évoluer? Certains vont dire, ah oui, mais si je serais guéri, puis si je serais mieux, tu sais, là, je pourrais. Ouais, tu pourrais, mais combien de temps? Hein? Avec le temps que tu oublies. Pas longtemps. La souffrance, elle est là pour enseigner à l'homme comment ne plus souffrir. C'est-à-dire que vous souffrez parce qu'il y a des choses que vous faites qui sont connes, c'est-à-dire qui ne sont pas correctes. Puis à un moment de... puis vous ne les savez pas, parce que si vous les connaîtriez, vous les feriez pas. Ne les connaissant pas, elles sont quand même des limitations à la matière. Ou à la matière vitale, ou à la matière psychologique, ou à la matière mentale. Ce sont des limitations créées par l'expression vibratoire même. La matière, elle a des limitations. Hein? Si on veut traverser un mur, on peut pas. Pas dans le cadre actuel de l'expression matérielle. Mais si on ne connaît pas ses limites, ben, à un moment donné, on essaye, puis on sait mal. La souffrance nous enseigne quoi? Pas que Dieu veut pas qu'on traverse un mur. Ah, Dieu veut bien, il s'en fout, blanc 40. Mais matériellement, ton énergie matérielle, l'énergie du mur, ça ne marche pas. Alors, tout au long de l'évolution, l'homme essaie des choses et ne voyant pas le piège, alors évidemment, il souffre. C'est le karma. Alors, au niveau du couple, c'est le même phénomène. Lorsque tu ne vois pas les mécanismes qui t'assujettissent à l'autre de façon à souffrir, tu peux apprendre à connaître ces mécanismes-là et à un moment donné, tu ne souffres plus. Et non seulement tu ne souffres plus, mais tu es même capable de, par ta présence, d'énergiser l'autre de façon à ce qu'elle te libère, elle aussi. Parce que souvent, on va dire, intellectuellement, on comprend des choses, mais on ne les intègre pas, on ne les cellularise pas. Ça ne nous appartient pas, ça appartient au livre ou au conférencier. Oh, moi, je comprends tout, mais l'autre ne comprend rien, fait que moi, je me... Non, c'est... Si toi, tu comprends tout, tu vas l'exprimer. Ça va transpirer, ça va puer pour l'autre. Puis à un moment donné, l'autre, il va finir par comprendre. Tu vas même avoir l'énergie pour lui expliquer. Si tu n'as pas l'énergie pour lui expliquer, c'est que tu n'as pas compris encore. Tu es peut-être en voie de comprendre. Mais lorsque vous comprenez une chose, mais totalement, on peut vous poser n'importe quelle question dessus, vous allez être capable de répondre. Sinon, vous ne la comprenez pas totalement. Et ne la comprenant pas totalement, vous ne la vivez pas totalement. Alors, évidemment, lorsque une personne commence à se conscientiser, dans le couple, ça va moins bien. Il y a un homme, une fois qu'il est venu ici, qui est venu nous voir, il dit, qu'est-ce que vous faites à ma femme? Je ne touche pas à votre femme. Il dit, avant, quand j'arrivais, le souper était prêt. Là, quand j'arrive, le souper n'est pas prêt. Il attend qu'elle vienne nous voir, sa femme. Ben, c'est normal. Sa femme était l'esclave soumise. Puis à un moment donné, ben, sa femme commence à penser qu'elle peut être un être humain authentique et individuel, elle aussi. Elle ne manipule pas son mari. Elle y fait un souper de temps en temps encore, puis c'est un luxe. Mais lui, il trouve que là, c'est exagéré pas mal. Là. Qu'elle aille se conscientiser, ça va. Mais qu'elle amène pas ça ici. Puis c'est l'inverse aussi, mais ça, c'est une histoire qui nous est arrivée ici. Il voulait absolument me parler. Alors, il m'a parlé. Je nomme pas son nom parce que maintenant, il fait le PMC. Mais, des choses qui arrivent. Alors, il n'y a pas de couple qui... Si toi, tu vois Satan chez l'autre, c'est évident qu'il te nuit. Mais il faisait un esclave, Satan. Pas l'autre. Ce qui est mauvais en lui, puis à un moment donné, ça va bien. Toutes les couples sont initiatiques. Il y en a qui le savent en maudit, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Est-ce qu'il est plus important d'être avec une personne qui a de la volonté ou de l'amour? Un cœur intelligent, c'est ce qui, à un moment donné, va être développé chez l'homme. Présentement, l'homme a soit trop de cœur, soit trop d'intelligence. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'être avec soi-même, d'être dans sa propre intelligence. C'est pas d'être avec quelqu'un qui a de la volonté ou quelqu'un qui a de l'amour. C'est d'être soi, ce qu'on est. Ça sert à rien de vouloir être. Même si je réponds quelqu'un qui a plus d'amour. Là, vous allez dire, bon, ben lui, il n'a pas beaucoup d'amour, lui, il n'a plus. Ah oui, c'est vous autres qui allez diagnostiquer, c'est vous autres qui allez établir les critères de ce que c'est beaucoup d'amour, et peut-être que l'autre, il en a immensément, mais il l'exprime d'une façon que vous ne percevez pas. La volonté, c'est quoi la volonté? La volonté, ça veut dire que quand il décide de quoi, il se lève, puis il le fait. Ben oui. Quand il décide de quoi, il se lève pas, puis il le fait pas, il a volonté de rester assis. Il y a autant de volonté. J'ai déjà fait une conférence spéciale justement sur la volonté. Qui ici n'a pas de volonté? Tout le monde a de la volonté. La volonté, c'est lorsqu'on exprime quelque chose. Alors, si vous avez la volonté de démolir un mur, vous démolissez le mur. Si vous avez la volonté de ne pas démolir, vous ne le démolissez pas. Mais vous avez tout le monde de la volonté. La journée que vous pouvez vous lever pour suivre un régime, vous avez la volonté de suivre le régime. Et la journée que vous n'êtes pas capable de vous lever pour suivre le régime, vous avez la volonté de ne pas faire le régime. Et le concept pourrait dire, ben oui, mais tu devrais le faire. Mais vous avez la volonté ferme de ne pas le faire. Puis vous ne le faites pas. C'est ce qui se passe. Mais il y a une lutte entre l'ego et le concept. Et là, on dit, ouais, mais j'ai pas eu assez de volonté. C'est pas vrai. Le concept n'a pas eu assez d'énergie pour énergiser l'ego de façon à ce que l'ego suive ce que le concept veut qu'il fasse. Mais à un moment donné, ben, on a ceux qui ne veulent pas travailler, ils ont la volonté de rien faire. Et c'est tough à maudit de rien faire. Alors, ceux qui travaillent tout le temps, essayez de rien faire, vous allez voir, vous n'aurez pas volonté de rien faire. Il faut de la volonté en maudit pour quelqu'un qui travaille d'arrêter de travailler, il faut de la volonté en maudit. Alors, celui qui est sous l'assistance sociale, qui ne fait jamais rien, qui est bien, ben, il a de la volonté. Il fait quelque chose qu'un travailleur invétéré, un homme d'affaires, ne peut pas faire. Il fait rien. Puis l'homme d'affaires, lui, ah, il a de la volonté à maudit travail. Il n'a pas aucune volonté, il n'a pas le choix. Ben, il a de la volonté, c'est ça la volonté. Puis le gars qui est paresseux, qui ne fait rien, ah, lui, travailler, il faudra de la volonté à maudit. Ben non. L'homme d'affaires, le gars qui travaille, le gars qui ne peut pas s'arrêter, il n'a pas de volonté. Ben, il y en a, mais c'est ça la volonté. Puis celui qui ne fait rien, il a aussi la volonté. Il y en a qui a la volonté de rien faire, puis l'autre, il a la volonté de faire. Puis les deux ne peuvent pas s'échanger parce qu'ils n'ont pas assez de volonté. C'est vrai. Tout le monde a de la volonté. Tout le monde a de bonne volonté. Alors, qu'est-ce qui est plus important? Vivre avec quelqu'un qui a de la volonté? Ou quelqu'un qui a de l'amour? Tout le monde aime. Il y en a qui s'aiment, il y en a qui aiment les autres. Il y en a qui aiment les choses. Il y en a qui aiment le temps, il y en a qui aiment l'amour. Tout le monde aime. Soyez avec vous autres. Ben quelqu'un peut-être, ben vous autres. Le couple nouveau, il est avec lui et c'est intelligent d'être ensemble. Ça crée un contexte qui est intelligent. Si c'est plaisant, plus tant mieux. L'homme ancien, si c'est plaisant, parfait. Le reste, on oublie. Fais attention. La semaine prochaine, on va parler non pas du couple, mais et ça va être sans doute deux des conférences les plus importantes au niveau de l'énergie nouvelle, au niveau de la conscience supramentale. Ça sera l'homme face à l'enfant. Pas nécessairement son enfant. Et la semaine d'après, la femme face à l'enfant. L'enfant, c'est quelque chose que l'homme ancien ne connaît pas. C'est pas juste un véhicule de chair qui transmet de la génétique puis qui va devenir un adulte. Et ça va sans doute permettre aussi à beaucoup d'adultes de découvrir ce qu'ils sont. On parlait de l'évolution et du rôle de l'évolution. Pourquoi qu'il y a des hommes sur la planète Terre? Pourquoi qu'il y a des enfants? Pourquoi qu'on procrée? Pourquoi aussi qu'on procréera plus, à un moment donné? En attendant, soyez intelligents.